Le jeudi à 20h, on s'occupe de vos ménages, on agite vos neurones, on ouvre les esprits. Le débat Déo, c'est maintenant sur Radio Gémozo. Bonsoir à tous et bienvenue pour notre nouvelle émission du jeudi soir avec nos acolytes habituels, notre ami PJ, bonsoir. Ah, je ne t'ai pas encore en ligne, voilà, PJ. Ah bah voilà, petit souci technique, c'est corrigé, bonsoir. Bonsoir PJ, notre ami Julien D. Bonsoir. Bonsoir Julien. Sujet du jour fort intéressant. On va parler ce soir de l'espace. Sujet de rêverie depuis des temps immémoriaux, qui attise la curiosité de l'homme, qui va lever les yeux en l'air en regardant le ciel la nuit, regardant les étoiles, fasciné par la grandeur, le soleil qui se lève, qui se couche, les astres qui défilent. La rêverie s'invite dans le studio de Radio Gémozo ce soir. Au sujet de la soirée, donc, qu'est-ce qui fascine tant l'homme depuis tant d'années avec l'espace, ce monde immense qui le dépasse, c'est un tout et à la fois c'est rien, hein, c'est tellement vide, tellement vaste, on n'y voit pas grand-chose à part quelques points lumineux. Il nous dépasse. Oui, ça, je l'ai déjà dit. Alors, serait-ce l'élément qui explique en partie notre fascination ? C'est à la fois immensité et ce vide glacial. PJ, est-ce que tu peux te lancer là-dessus ? La fascination de l'homme pour l'espace. Eh bien, écoute, après cette planche savonnée et très glissante que tu as su nous servir sous forme de petite poésie à musique de supermarché, nous allons essayer de continuer sur le sujet. Tu vois, j'en ai perdu le fil tellement je suis perturbé. Là, c'était beau. Il y avait la petite fille clochette qui passait derrière la radio. C'était magnifique. C'était le but de t'émouvoir. J'en retiens mes larmes. C'est spécial. C'est spécial, oui, Julien, c'est spécial. On a fait du mal à se positionner, ce jeu où on est, mais... C'est bien. Félicitons. Putain, on innove ce soir. Ah oui, là, c'est... Ah, on entend la musique du bas. Je croyais qu'on avait encore de la musique, mais non, c'est la musique de nos amis. J'étais perdu aussi, je me suis dit, c'est quoi ce petit fond de musique ? Oui, c'est très sympa. On a des voisins qui passent un peu de musique, donc je ne sais pas si les auditeurs peuvent entendre. On entend très fort, là. Nous, on entend très fort. Oui, on est dans leur pièce, presque. Donc la grandeur de l'espace, est-ce que c'est ça qui fascine l'homme depuis tant d'années ? Est-ce que c'est la grandeur ? Qu'est-ce qui fascine tant l'homme ? Voilà, c'était une piste, cette grandeur. Mais après, est-ce que... Par avis personnel, je dirais que l'être humain, depuis les débuts, quand il lève les yeux vers le ciel et qu'il voit des petites étoiles, des petites lumières qui scintillent, ça doit être rassurant. Tiens, j'avais un soleil pendant la journée, j'en ai X dans la nuit, et plus il y a d'étoiles, plus c'est sécurisant, parce que je vois le danger arriver. Je vais peut-être pas me faire croquer cette nuit s'il y a assez de lumière de la lune, parce que je verrai les problèmes arriver, je verrai les prédateurs arriver. Donc ça devait avoir un côté très rassurant. Et puis, ça date pas d'hier qu'on parle de cartographie par les étoiles, de se repérer dans l'espace, de se repérer d'un point A à un point B en voyageant grâce aux étoiles, en les suivant, que ce soit sur mer ou sur terre. L'être humain a longtemps voyagé sous forme de caravane sur terre en suivant les étoiles, hein, comme les étoiles en Galilée, hein, disait Sheila. Donc, non, le niveau c'est la petite bourse, on fait rire. Très élevé. Hein. On a pris un sujet terre à terre, mais ça suffit pas à élever le. Pourtant, on tourne à l'eau. Hein, donc, hein. Moi, je te trouve très partisan en disant, en assimilant, tu parles d'espace et dans la foulée, ce qui te vient, c'est le côté fascinant. Tout le monde n'est pas fasciné par l'espace. Nous, on est un petit peu, on est tous. J'ai l'impression qu'il y a une fascination quand même humaine, généralisée depuis, comme je disais dans l'introduction, depuis des temps immémoriaux. Forcément de la fascination, notamment. Parce qu'il y a l'inconnu. Qu'est-ce que c'est cet espace au-dessus de nous qu'on ne peut pas toucher? On a déjà peur que nous tombe sur la tête. Hein. Est-ce que c'est rassurant? Je ne sais pas si ça rassurait tous nos ancêtres. Hein. Il y en avait, je crois même qu'ils avaient peur. Partoutatix. Partoutatix, ils avaient peur de se prendre le ciel sur la tête. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et puis la nuit, ça reste la nuit. Hein. On a un peu quelques étoiles peuvent nous éclairer. La lune, oui, les étoiles toutes seules. Ah, un beau ciel étoilé, tu vois clair. Non, l'idée que j'avais derrière, c'est on peut-être... Un invité, surprise. On a un invité, voilà. L'idée que j'avais en tête, c'était peut-être la dernière frontière. Alors, c'est on a juste un invité qui vient d'entrer dans la salle. Il arrive à son heure habituelle. On va le laisser s'installer peut-être avant. On va le laisser s'installer, voilà. On parlera de lui après. Et je disais, c'était peut-être la notion de dernière frontière, c'est-à-dire que l'être humain a exploré la surface de la planète, et dans notre dernière centurie, vers 1900, on s'est dit, bah tiens, il n'y a plus de terre à découvrir, les fonds des océans, c'est encore trop tôt pour y aller, on n'a pas les outils pour. L'espace est devenu la nouvelle frontière. C'est-à-dire que, pour une fois, on n'était plus limité au globe. On avait le potentiel de découvrir autre chose. Et c'est peut-être ce qui est expliqué, d'ailleurs. Alors, tu parles de quelle époque, là? Eh bien, je pense 1960, les voyages vers la Lune, c'est quelque chose qui était très vendeur dans le monde entier, la compétition entre les deux blocs, Est et Ouest, et qui a mobilisé des gens derrière la télévision, qui était quelque chose de récent, où tout le monde a découvert avec les grands yeux ouverts. Parce que toi, tu considères que la fascination pour l'être humain... elle est plus intense dans ces dernières années avec la conquête spatiale qu'elle l'a été avant. Oui, parce qu'elle prend corps à travers notre connaissance scientifique, à travers notre connaissance culturelle qui évolue. La naissance de l'astronomie, je vais peut-être me tromper, mais ça date de Platon, Aristote et compagnie. Mais c'était pour des gens qui étaient érudits. Tandis que là, la télévision a démocratisé dans les années 60. Moi, mes parents m'ont dit, c'était le spectacle de voir les fusées décoller, d'aller vers l'espace. Donc ça serait une fascination d'érudits. C'est une fascination d'érudits, au départ, historiquement. Au départ, oui. Parce que tu penses qu'à l'époque de Platon, les hommes de la cité n'étaient pas attirés, questionnés par l'inconnu. Pour se guider, sûrement, ou par spiritualité. Je pense, contrairement à toi, BJ, je pense que depuis que l'homme existe, c'est-à-dire quand même bien avant l'Antiquité, eh ben, tous les trois quarts des petits garçons de 5-10 ans demandaient à ses parents, enfin quand ils savaient parler, parce que depuis que l'humanité existe, la parole, la langue n'est pas arrivée aussi vite. Mais je pense qu'il y avait cette fanisation sur ces choses parce que on se demande ce que c'est. Hein. C'est une espèce de voile opaque avec des petits trous qui cache le soleil et qui les petits trous. Enfin, on a plein d'explications. Alors la fascination viendrait peut-être du manque de connaissances. Ah, oui, tout à fait. Au départ, de l'inconnu. Oui. Ah bah complètement. Mais de l'inconnu qui nous domine à longueur de journée. Qui est présent et qui se répète sous forme de cycle. Ça, c'est une constatation, je pense, qu'on a eue quand même plus tard, parce qu'il y avait quand même besoin de faire, de noter l'emplacement. Non, l'homme préhistorique, les dessins qui ont été faits, oui, dans les dessins, c'était son quotidien qui était représenté, représentait aussi des étoiles, hein, dans les grottes de Lascaux et compagnie, on a des étoiles. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient parfaitement compris que c'est quelque chose qui revenait, c'est quelque chose qui était là, c'est quelque chose de leur quotidien. Ils pouvaient chasser la nuit aussi, rien n'empêchait de faire de la chasse à l'arc la nuit. Hein. Juste, nuit de pleine lune. Je me permets, donc du coup, je pense qu'on a fait une petite introduction, peut-être un plan de l'émission. Ah, il y en a un, mais tu le découvriras au fur et à mesure. Ne t'inquiète pas. On va t'emmener dans des univers. Est-ce qu'on va parler de l'espace? On va parler de l'espace, c'est le sujet. Ou est-ce qu'on va parler de l'espace dans son sens très large? L'espace, c'est une touche sur un clavier. Je ne m'inquiète pas. Je pense que nous arriverons dans la soirée sur des sujets comme les trous noirs, etc. Donc rassure-toi, sujet de ce soir ne va pas traiter que de la fascination. Alors pour quand nos auditeurs. Du sujet, moi je me suis dit, on va parler de la grande touche allongée qu'il y a sur un clavier. Donc pendant 2 heures, ça va être compliqué, mais il y a moyen quand même. Hein. Non, j'ai juste quelque chose à préciser par nos auditeurs habituels, ceux qui connaissent l'émission. Une information importante à prendre en compte pour ce soir, Julien D est venu sans papier. Notre notaire a évolué. Il n'a aucun document avec lui, donc il faut le noter. Nous le félicitons. C'est pour ça que tu es perdu? Non, il n'est pas spécialement perdu dans l'espace. Bon, Julien, il faut que tu présentes la personne qui vient de parler. Alors voilà, la personne. Je sais pas si mon micro est ouvert. Si ton micro est ouvert, on t'entend fort et clair. J'ai pas mon retour, c'est pas grave. T'as pas ton retour? Non, mais c'est pas grave, il s'en va. Rappelons-nous pour les auditeurs que vous êtes sur RGM, la radio où un équipement sur deux fonctionne. C'est vrai, c'est vrai. Et rappelons aussi que tu es le président aussi. Mais ça, oui aussi, il faut le dire. Ah non, non, on le dit pas. Alors, il y a deux trois règles. Donc on va parler de l'invité qui est là, parce que notre invité de ce soir n'a pas été briefé parce qu'il est arrivé pendant le début de l'émission. Ben, donc normalement, on arrive avant pour qu'on puisse te briefer. Ouais, c'est quelqu'un qui est un peu inconnu dans le monde radiophonique. Ah si, il avait fait une émission. T'es gentil quand même. Mais alors, j'ai travaillé ici. Donc notre ami, pour ceux qui reconnaissent sa voix, c'est Licino. Licinio. Licinio. Et toi, t'es comme Julien D, t'y arriveras jamais. Hein. Mais c'est maintenant, j'y arrive une fois sur deux, mais j'y arrive. Ah, moi aussi, normalement, c'est pareil. Compliqué. Bon, je suis une fois sur trois pour l'instant. Mais... Alors, Licinio. Oui. Donc, normalement, certains de nos auditeurs te connaissent parce que tu as animé une émission déjà ici. Oui, pendant un an. Hein. D'accord. Ah, okay. Ouais, et puis, j'ai fait aussi en bénévole. Ok. Voilà. Donc, du coup, de ton point de vue, la fascination que l'homme a pour l'espace. Vous me faites peur. Hein? Mais non, mais il faut. De mon point de vue. Ouais. Je sais pas. Obscur, je dirais. C'est l'obscurité. Eh, c'est peut-être un axe de. Ouais. L'obscurité. À l'infini, ça fait peur, un infini. C'est vrai. Le vide. Non, mais c'est pas. Parce que pour l'imaginer, c'est compliqué. C'est pas infini, l'espace aussi. Ah si, visuellement, c'est infini. Ah non, mais voilà, pour l'homme qui regarde le ciel, c'est infini. De la perception que tu en as. À la fin, oui. T'arrives à trouver un mur de l'espace. Non, enfin, non. Voilà, un arrêt, stop. On s'approche pas plus loin. T'as trouvé un mégalithe, peut-être? C'est quoi un mégalithe? Parce qu'ils arrivent à quoi? Ils arrivent encore à en trouver des... L'Odyssée de l'espace. Un mégalithe, oui, un gros mégalithe, bloc de pierre noire avec des singes à côté. Un mégalithe. Ils arrivent encore à trouver des soleils, des constellations à gauche, à droite. Donc, je me dis que c'est à l'infini, il n'y a pas de fin. C'est peut-être pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est encore tous fascinés par l'espace, parce qu'on sait qu'on ne sait pas encore tout. Malgré l'avancée de la science. Bah c'est ça, la notion de dernière frontière. C'est-à-dire que où est-ce qu'on va s'en aller avec cette frontière-là? Là, par contre, on risque de pas la dominer. Et il y a même des théories, alors qui sont très, mais des vraies théories scientifiques, mais qui sont vraiment pas adoubées par beaucoup de scientifiques, mais qui sont des hypothèses où ils se disent, mais peut-être qu'à un certain niveau, par rapport au Big Bang, par rapport à tout ça, où non seulement on a l'application de la relativité où la gravité n'est plus perçue pareil. Mais peut-être même les maths ne sont plus euclidiennes. Alors maintenant, je laisse PJ, un grand spécialiste, dire qu'est-ce que ça veut dire les maths non euclidiennes. Moi, spécialiste des mathématiques euclidiennes, pas particulièrement. Non. Alors, les mathématiques non euclidiennes, c'est celles qui ne sont pas euclidiennes. Les mathématiques. Alors là, celle-là. Ok. Ouais. Tu vois la porte là, juste à droite, tu sors, tu tombes. Tu veux t'abouer? Non, mais c'est déjà, tu me fais un discours dans lequel tu te dis attention, on arrive aux limites de la science, je m'inquiète. Non, grand avocat de la science, non, je m'inquiète. Non, c'est très scientifique. Les mathématiciens, donc les maths sont une science exacte qui sont basées sur des hypothèses. Mm-hmm. Des hypothèses qui viennent d'autres déductions mathématiques, donc là jusque-là, ça reste des valeurs sûres, ou qui viennent des fameuses hypothèses fondamentales des mathématiques. Parce que les mathématiques ne sont que des déductions. Et par exemple. Une addition, c'est pas une déduction, c'est une constatation. On ne prouve pas, on prouve pas vraiment que 2 plus 2 font 4. On peut prouver que 2 plus 2 font 4 en déduisant que 2 plus 2, c'est 1 plus 1. Voilà. Mais il part dans dans un truc de dingue. Alors, on revient à l'espace. T'as été kidnappé, là, ces derniers temps. T'as vécu une expérience paranormale. On va dire ça plus simplement. 2 plus 2, ça fait toujours 4. Hein. Émission qui a eu un effet sur lui. Oui, complètement. J'ai été perturbé. Donc, dans les mathématiques non euclidiennes, 2 plus 2 ne fait pas forcément 4. Ah. Et donc ça, il y a des mathématiciens qui s'amusent à se dire, mais si 2 plus 2 ne faisait pas 4, qu'est-ce que ça donnerait? Donc c'est un petit alors, peu... Avec un si, on fait un monde. Ouais. Oui. Pour en venir y a à même l'espace. Dans l'espace, il y a des hypothèses comme quoi peut-être qu'un certain éloignement, peut-être que c'est le cas. Mais pour l'instant, c'est que des hypothèses un peu saugrenues. Hein. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Un éloignement de quoi? Oh, on parle de distances qui sont de l'ordre de 13 milliards d'années-lumière, c'est-à-dire qui remontent dans le temps presque à l'époque du Big Bang. Oui, donc là, tu me parles que si on pouvait voir assez loin, on pourrait voir le Big Bang. Ok. Mais c'est pas on pourrait, c'est absolument oui, sûr. Tout à fait, ouais. Plus on voit loin, plus la lumière. Ce sera sûr qu'on aura prouvé le Big Bang. Il y a aussi une galère par rapport à ça au niveau de la communauté scientifique qui commence à émettre certains doutes. C'est une théorie, mais il y aura peut-être. Parce que, bon, je vais pas. Moi, je suis pas expert. Hein. Alors, dans la soirée, on aura aussi par téléphone un ami du CA de les Radio Gamozo. Non, mais on a quelqu'un au niveau du CA qui a l'intention de faire une émission spécialisée sur l'espace. Donc, il est un peu plus érudit que nous. C'est pas dur. C'est pas très difficile. Mais néanmoins, de ce que je sais, quand on regarde très loin, comme tu dis, ce qu'on arrive à voir, c'est ce qu'on appelle l'univers primordial, cette espèce la de masse, primaire. La soupe primaire. C'est pas le point zéro. Non. Ah non, parce que pour l'instant, on ne voit pas encore à des distances de 13,4 milliards d'années-lumière, c'est-à-dire l'âge de l'année, on voit qu'à peu près 13 milliards d'années-lumière. Donc on a encore 400 millions d'années qui nous manquent. Donc, c'est pas rien. Par rapport à la création, et encore, on voit pas beaucoup. Hein, par rapport à la création de notre univers, et justement, la théorie en cours, c'est la théorie du rien ou du tout, c'est que, est-ce qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang ? Parce que si on date à partir du Big Bang, t'as un nombre d'années. Mais si tu pars du principe que c'est un point de départ, mais peut-être que c'était qu'un passage dans une succession d'événements. Alors, je vais... Ce qui remet pas en question le Big Bang, ça. Hein. Messieurs, je vais ça vous avouer... une importance différente, en fait. Je vais vous avouer quelque chose. Quand on a préparé cette émission, je ne pensais pas qu'à 20h16, on serait déjà sur ce genre de problématique. Ah, moi, je pensais qu'on, là, je pensais qu'on irait plus vite, moi. Ah non, mais non. Je me suis retenu, parce que... Dans la notion d'espace, c'est une des notions, mais ce n'est pas la seule, ne t'inquiète pas. Voilà, donc sur la notion du temps, en tout cas, je n'avais pas prévu qu'on aille aussi loin. Le temps est relatif, tu sais. Non, mais pour en rester de façon très terre-à-terre sur... Alors, on va en parler un peu plus intensément après la première pause musicale, comme toujours, mais... si on parle de l'avancée actuelle des connaissances, sur quoi on bute ? Alors, par exemple, moi, j'avais un exemple. Il y a des choses très bêtes comme le but recherché en envoyant un satellite à proximité du Soleil. On n'arrive pas à expliquer la température... une sonde, je crois, ouais. On n'arrive pas à expliquer la température du Soleil... De l'enveloppe extérieure. Alors, ça paraît très, très bête, parce que là, on parlait de choses à des centaines d'années-lumière, enfin, voire plus. Je ne sais plus l'échelle que tu nous as... Et on parle en milliards. Voilà, en milliards. Non, mais pour en revenir à ça, le Soleil, c'est censé être l'astre quand même le plus proche de nous. Et on ignore des choses aussi bêtes que l'explication de sa température. 33. Donc ça reste quand même fondamental. On n'arrive pas à expliquer déjà ce qui se passe à deux pâtés de maison. Bah, la théorie en cours par rapport à ça, c'est que la température de l'explosion nucléaire qui est au centre du Soleil créerait un champ magnétique et que l'action du champ magnétique arriverait à des limites de la science qu'on a du mal à comprendre et permettrait de recréer une deuxième réaction qu'on a du mal aussi à comprendre. Voilà. Alors, ce serait un mélange en fait entre la physique et le magnétisme. Je pense magnétisme dans le sens les aimants. Et donc voilà, ça reste de la c'est physique, compliqué. Du coup. Je pense qu'il serait intéressant de préciser un petit peu la température du Soleil. Si on part de son centre, on est à peu près à 15 milliards d'années-lumière. D'années-lumière. 15 ouais. millions de degrés Celsius ou plus précisément 15 millions de Kelvin. C'est la même chose à ce niveau-là. 15 millions, c'est 15 fois la température nécessaire à la fusion nucléaire. Donc on est bien, il y a pas mal, ça fond bien, ça se mélange bien, il y a une bonne création d'hydrogène, tout va bien. On en a encore pour 5,5 milliards d'années avant que ça se passe mal. Côté Terre, on n'est pas trop mal, la Terre disparaîtra peut-être pour d'autres raisons autres. Enfin, la vie sur Terre. Je comptais évoquer ça aussi un peu plus tard. Plus on s'éloigne. mais comme t'aimes bien ne pas me priver de ce que tu veux dire, ça m'arrange que tu me dises pas, comme ça, je n'ai pas à me retenir, j'y vais comme je veux. Et donc, cette température descend jusqu'au bord, jusqu'à ce que les scientifiques considèrent comme la surface du Soleil, parce que c'est arbitraire. Les scientifiques, ils ont considéré que, ben là, en fait, ils considèrent que c'est la surface du Soleil. Parce qu'il n'y a pas de sol, hein, c'est du gaz. Bon, il est un peu chaud le gaz, mais il n'y a pas un sol matérialisé, mais il faut bien définir une surface. Donc ils ont choisi un endroit qui correspond visuellement à ce qu'on voit. Et la surface du Soleil est considérée par son endroit le plus froid. C'est-à-dire qu'il y a quand on arrive à la surface du Soleil, il fait très froid à l'échelle du Soleil, il ne fait que 5000 degrés. C'est très froid pour une étoile. Bah, par rapport à 15 millions, quoi. Parce que forcément, pour nous, voilà, y a aucun matériau de la Terre ne reste à l'état solide. Tout fond, voire s'évapore. Et quand on s'éloigne de cette surface du Soleil, ça remonte jusqu'à quelques millions, 3 millions, je crois, pour la partie la plus haute, qui est la séparation entre la première et la deuxième atmosphère. Couronne, ouais, c'est la première et deuxième couche atmosphérique du Soleil. Et c'est particulièrement bizarre de dire pourquoi que la température baisse. Comment l'expliquer, voilà, c'est voilà. ça. D'accord. On est sur du très technique. C'est Julien. Il est là. Notre notaire n'a pas de papier. Il n'a pas de papier, mais la technicité est là. C'est-à-dire que sur le soleil, sur l'espace, je pense que j'ai pas besoin de papier pour pouvoir tenir deux heures. Donc c'est pour ça. Mais je compte de toute façon sur Nicolas. Donc c'est Nicolas qu'on aura tout à l'heure sur les environs de 21h pour discuter un petit peu des points un peu techniques là, sur lesquels on manque de détails. C'est vrai que c'est tellement complexe qu'on est. On est vite dépassé par l'espace. On se retrouve dans quelques instants après notre première pause musicale. À la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière. On se retrouve dans 5 petites minutes après ça. On ne connaît pas la vitesse de la lumière. On fera se déplacer la vitesse de la lumière. Now did you see me? I killed a man. They all stayed down, but he chose to stand. And girl, but did it hit you deep to watch his mind see across the pavement beat down the slabs that meet each and every single one of your feet? Did you ever know the limitations of a clone? They kept me on my throne. The sealed space of time, recall a little trace of slime. It's not here to appear for the tears, the mere hatred that flows through the years. The silent calm, washed violent charm, held in the depths of a tyrant's palm. Expect the eye to lay by his side and bear with the sight of just another man's mind. I must mistake the high, cool these breaks, these stakes will lie. I was not born to be torn, I was born to be exposed in a storm and held warm. In the hot heat of my bar, sat by the feet of your lover, beat down to see one another. I dug through these graves to uncover a pile of bones mixed with violent tones. Forced through the earth with these silent drones. I'll see through time evading the mimes. I'll breathe in time on other guy's side. Snakes to die, they hold the weight, your traits to climb. Walk the ladder, made from the ladder, made even sadder, but you're born to an adder. I'm on the depth of a bridge, you took your time to plant a seed. A seed of hate, the plagues you played, so bear witness to the state of states. You are the body of song. Strong across this glum, pinnacle of crumbs. See these hands, see what they crave to be done. You are this useless eye that's gone too far. You are a body of song. You bathe me down to the dirt and scum. See these hands, these actions not done. Warm bed beaten down, black blue brains out. This drain will be clouded. Let their brains be drowned. Warm bed beaten down, this black blue brains out. We'll be right back. le débat Déo. On se retrouve à nouveau dans le débat des hauts avec nos amis Les Chignots. Oh putain. Les Chignots. C'est l'émission qui a les jingles les plus longs. Non, bah, attends, je peux t'en trouver des plus longs et des plus moches. Non mais c'est même plus un jingle, c'est une bande-annonce. C'est quoi? C'est une bande-annonce, ah, parce que, attends, une émission aussi, hein, ouais, là, ça se présente. Il est beau. Avec panache. C'était quoi le titre de la musique? C'était qui? Alors, chantait? Juste avant, vous avez entendu la voix de King Krul, ouais. Avec le titre « You Took Your Time ». Tout prenez un programme. Oui, tout à fait. Du coup, nous étions sur. Bah, en général, j'essaie de sélectionner des trucs qu'on ne connaît pas trop. Hein, à la sauce. Ça, je confirme qu'on ne connaît pas. C'est un peu Radio Gémozo, c'est le style de Radio Gémozo. C'est un peu Gémozo, ouais. Ah, ouais. Mais en plus moderne, tu vois, j'essaie de trouver des trucs un peu modernes. Ce n'est pas du vieux Gémozo, c'est du nouveau Gémozo, tu vois. Du nouveau Gémozo. Du nouveau Gémozo. Nous parlions juste avant cette petite pause. De l'avancée des découvertes en termes scientifiques, l'avancée des, parce qu'on est parti de la fascination de pour l'espace qu'a l'homme. On a évoqué donc cette histoire de soleil qui est plus chaud à son extérieur qu'à son cœur, hein, c'était ça à peu près. Alors, t'as pas bien écouté, mais plus chaud dans son atmosphère qu'à sa surface. C'est tout à fait ça. Voilà, parce que on arrive à définir la température d'un astre à partir des rayonnements qu'il génère, mais on a aussi constaté que c'était plus chaud, justement. C'est ça ? C'était pas homogène. D'accord. Donc ça ne respectait pas les règles de calcul qu'on avait habituellement, c'est ça ? D'accord. Bon, vous n'avez pas envie de m'aider là-dessus. Alors, il y a un point important si on veut parler des avancées de la science par rapport à l'espace. Un sujet tout bête qu'on aurait pu évoquer avant de parler de la température du Soleil. Il y a la vie. Ça, c'est un des grands mystères que la science n'arrive pas encore à expliquer avec précision. L'apparition de la vie, chez nous, ailleurs, PJ. Là, les dernières études qui ont été faites, je pense à Philae, lorsqu'il y a eu l'étude de la comète Chury, où on s'est rendu compte qu'il y avait des briques d'acides aminés qui étaient présents, en fait, derrière la comète. Mais voilà. Ça, c'était déjà avant, hein, qu'ils avaient des acides. Oui, mais on les a vérifiés, voilà. C'est-à-dire qu'avant, on avait émis, et là, on a pu vérifier, les mesurer, voir les types d'acides aminés qui pouvaient résister dans l'espace, tout simplement. Et donc, ça voudrait dire qu'en fait, c'est de moins en moins probable qu'en fait la vie apparaisse de manière spontanée sur une planète, mais qu'en fait toutes les vies viendraient de l'espace parce que les composants sont directement présents sur les comètes ou sur les corps célestes. Donc ça rend la vie moins improbable en fait et plus générale. Donc peut-être que l'espace n'est ni plus ni moins que la source de la vie. C'est paradoxal, hein, quand on voit les conditions qui y règnent. Mais alors, par ricochet, est-ce que ça augmente les chances que dans le fantasme populaire, on parle souvent de la vie extraterrestre. Est-ce que ça augmente la statistique, ce genre de découverte, est-ce qu'elles augmentent la probabilité de elles font se poser les questions différemment. Elles confirment qu'elles augmentent la croyance, pas la croyance, mais la certitude qu'il y a de la vie ailleurs. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est une certitude connaît... Alors là, je t'arrête quand même. Tu as donné le mot certitude. Non, c'est du coup pas une certitude, mais c'est la conviction. Alors, on est presque sûr, mais bon, voilà. Alors, il y a une donnée chiffrée, il y a une statistique qui absolument dit... Absolument pas. Enfin, moi, ce n'est pas à ma connaissance. Il faut comprendre la vie sur Terre. La Terre a une particularité, c'est que c'est une planète qui se trouve à un orbite autour du Soleil qui fait que l'eau y est majoritairement à l'état liquide. Et du coup, la planète est tellurique. Et du coup... Ça, faut pas l'oublier. C'est utile aussi. Planète, non, mais... Parce que Mars aussi est tellurique, mais l'eau n'y est pas à température. Voilà. Si n'y t'es est pas sur Vénus, t'es sur du gaz, donc tu vois. Il y a un sol. Vénus, il y a un sol solide. Il y a un sol donc sur Vénus, solide. T'es sur ton cou. Ah oui, ah oui. Ah là, tu vois, je me serais planté. Il y a donc 4 planètes telluriques et 3 planètes gazeuses dans le système solaire. Je vous propose que nous notions ce point pour demander. Tout à fait. Il y a 4 planètes telluriques et 4 planètes tout à gazeuses. Quelle planète a été retirée du système solaire? Parce que alors, c'est Pluton pas a été déclassé. Planète, hein, il y a eu un déclassement. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont découvert une autre planète naine, ouais, bien plus loin. J'ai plus son nom, mais PJ, qui est une encyclopédie vivante, devrait s'en rappeler. Il y a une autre planète naine qui est plus grande. Archon. C'est pas ça ? Possible. C'était un satellite qui était considéré dans... Mais non, c'est une planète naine. Oui, non, mais c'était au début, c'était un satellite, et après, ça a été reclassé en planète naine, parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, la classification classique des corps célestes correspond peut-être plus à ce qu'on commence à observer. D'accord. Donc, il y a énormément de planètes naines. Donc, Pluton doit se retourner dans sa planète. Et Pluton n'est pas la plus grosse des planètes. En fait, ils ont trouvé une autre planète plus grande. Ouais. Et donc, soit ils disaient c'est une autre planète, soit ils disaient, Pluton, c'est pas une planète. Or, il y a pas mal d'autres objets, la plupart sont plus petits, céleste dans le système solaire. On parle du système solaire, là on se limite au système solaire, hein. On est très très loin de... Alors avant de t'être plus loin, je te rappelle que ma question d'origine c'était la vie, hein, mais je sais pas où tu m'emmènes là, je sais pas où tu m'emmènes. C'est Lucigneux qui nous parle de Pluton, bon bref. Donc sur la Terre, pour en revenir, la particularité de la Terre, c'est que l'eau s'y trouve en très grande quantité à l'état liquide, qui est nécessaire à la vie telle que l'on connaît. Il y a des personnes qui évoquent des formes autres de vie qui ne nécessitent pas de l'eau liquide. On a entendu des choses à base de méthane, de machin, tout ça. Ben, le problème, c'est que l'eau a des particularités assez importantes. Il faut savoir que l'eau est composée de l'hydrogène, qui est le matériau le plus présent dans pratiquement toutes les molécules organiques et dans l'univers en général, sous forme pas forcément organique, et d'oxygène, qui est considéré, mais pas à tort, comme la base de la vie. Parce qu'au niveau, oui, il faudrait confirmer ça. C'est une molécule très simple, l'eau. Deux, mais, trois atomes. Pour ce qui est de l'hydrogène, ouais, c'est la molécule, enfin, c'est la particule majoritaire. Non, c'est l'atome. Non, mais voilà, l'atome d'hydrogène. Est-ce que c'est la matière qu'on trouve le plus en quantité dans l'univers, en pas quantité, seulement sur Terre ? Très largement, oui. D'accord. Dans lumière qu'on voit, hein, la partie matière qu'on observe, parce qu'on a aussi une très grande quantité de matière dont on ne sait pas ce que c'est. Alors. C'est peut-être aussi l'hydrogène. Je ne sais pas si un de vous deux peut confirmer. De toute façon, l'hydrogène... Ah non, tu parlais du carbone ou de l'hydrogène ? J'ai parlé de l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, vous me confirmez, c'est quand même l'atome le plus simple qui existe. Il est composé de un proton. Oui, la création. Ouais. Forme simple. J'en profite pour confirmer, j'ai fait un petit tour sur notre ami Wikipédia. Et oui, tout à fait. Malgré son apparence, c'est une planète tellurique, Vénus. Je n'avais pas le moindre doute. Bah tu vois les photos et ça me. Oui, c'est une planète tellurique. C'est une planète tellurique, mais avec une atmosphère très dense, composée en très grande quantité de dioxyde de carbone. Je crois pour 90% passé, il doit y avoir 3-4% d'azote. Ces 3-4% d'azote représentent plus d'azote qu'il n'y a actuellement dans l'atmosphère terrestre. Pour vous donner une idée. PJ saura que quand il met en doute le notaire de l'émission, qui s'y frotte, s'y pique. Bon, messieurs. On y trouvera un sujet moins confortable. Donnez-moi plus d'infos quand même sur. Parce que c'est quand même une des bases de ce qui nous anime un petit peu. Toujours, on en revient à la fascination. Mais peut-être dans la l'idée vie, de la, pourquoi la y a vie, de la voilà. vie ailleurs. Alors, du coup, les scientifiques cherchent, les astronautes cherchent des endroits où la vie. Et ils cherchent donc des planètes qui ont des caractéristiques. Proche de la nôtre. Proche de la nôtre en termes de température probable, c'est-à-dire des caractéristiques orbitales. Ils calculent, parce que la température de l'étoile autour de laquelle tourne la planète n'est pas forcément aussi chaude. Donc, en mesurant, en estimant la température de l'étoile et la distance étoile-planète, ils arrivent à se donner une idée de la température qu'il peut y faire moyen. Voilà, et ils cherchent donc des planètes qui ont... Voilà. Et quand ils parlent de planètes où la vie est possible, c'est ça. Donc, c'est un coup de bol. Il y a une explosion. Le Soleil s'est créé il y a, tout le monde le sait, 4,5 milliards d'années. Quand le Soleil s'est créé, ça a fait un peu boum. Alors, il n'a pas les papiers, mais on dirait. Hein. Et il s'est créé quand... Il doit être ça. Le Soleil... Quand... Il l'a appris par cœur. Non, on ne va pas contredire, surtout. Le Soleil, quand s'est créé, comme toutes les autres étoiles de la même catégorie, c'était un nuage d'hydrogène. Alors, quand on parle d'un nuage, c'est quelque chose de très peu dense. Il y a très peu de particules au mètre cube. Hein. Il y en a quelques fois plus que dans le vide interplanétaire. Mais c'est suffisamment, parce que c'est une tellement grande volume, on parle donc rapidement de la taille du système solaire, et même plus grand, et à un moment donné, ça s'est concentré du fait de la gravité, et puis à un moment donné, en se concentrant, ça a déclenché des réactions thermonucléaires qui forment une étoile, et quand ça s'est créé, il y a eu un peu des déchets, et les déchets, c'est nous, c'est tout ce qu'il y a autour du Soleil. Ça a formé. Sympa comme. Ah bah les... ouais, c'est finalement on est quand même. Nous sommes les déchets. D'un point de vue univers, on est quand même rien du tout, hein. Oui, c'est pas faux. Faut repositionner la Terre où elle est juste un coup de bol. Hein. Là-dessus, je te replace, mais les études récentes montrent plein, que donc on sait que le système solaire est composé donc avec des planètes. Mmh. Et entre les planètes, en fait, t'as toujours des ceintures d'astéroïdes qui existent. Mmh. Et on s'en compte de plus en plus qu'en fait, il y a certains astéroïdes qui sont plus vieux que le Soleil. Donc en fait, tout n'a pas été créé à partir non. des déchets du Soleil. Je voulais pas rentrer dans les détails, mais tu fais bien de le préciser. Mmh. Il y a des choses qui viennent d'avant le Soleil. La ceinture de Kepler. Il y a des choses qui viennent d'avant, il y a des choses qui viennent de pendant. Mmh. Il y a, voilà. Mais une grosse quantité de ce qu'on a vient de cette période. Et puis, il y en avait par là, tout ça s'est mélangé. Il y a le Soleil forme une grande gravité. Ce qui tourne pas, ce qui va pas assez vite, ça tombe sur le Soleil. Mmh. Arriver sur le Soleil, ça a tendance un peu à fondre, donc on n'en retrouve pas grand-chose. Entre-temps, bah, y a des collisions, il y a des météorites qui se rencontrent. Et puis, au fait de ça, eh ben, quand un météorite rencontre un autre météorite, ça fait un plus gros météorite. Et puis un troisième, bien, maintenant, ça fait un gros truc qui est si gros qui finit par bah, former une boule uniforme parce que la gravité est telle que bah, tout s'équilibre et ça forme une planète tellurique. Ou s'il y a beaucoup de gaz, une planète gazeuse. Et la Terre s'est retrouvée comme ça, et puis elle s'est trouvée dans un orbite qui fait que l'eau il s'y trouve sous forme liquide. Alors, si je me trompe, il y a aussi une histoire avec la proximité du Soleil qui nous a en quelque sorte aussi un peu protégés de gros cataclysmes et ainsi permis... Tu vois, les grosses astéroïdes qui auraient pu nous heurter ont été captés par la gravité solaire. Enfin, il y a beaucoup de gens qui étudient ça par rapport au trou noir aussi. Bah, c'est ce qu'il a expliqué. Aujourd'hui, les météorites, il y en a moins. Enfin, les grosses sont rencontrées. Les géocroiseurs sont déjà rencontrées. Il faut savoir qu'on a dans le système solaire le Soleil, très forte gravité, il attire beaucoup de choses, donc ce qui passe bah, souvent c'est déjà tombé sur le Soleil. Et puis on a aussi Jupiter qui est quand même une très très grosse planète, hein. Elle est beaucoup beaucoup plus grosse que toutes les autres planètes réunies, hein, y compris les autres planètes gazeuses. Et donc c'est pareil, elle en attire hein, des météorites. Et donc tout ce qui tombe sur Jupiter, c'est ce qui ne nous tombe pas sur le coin de la tronche, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, il y en a encore de temps en temps. On sait que de temps en temps, un météorite de très grande taille tombe sur la Terre. On sait qu'il y en aura de nouveau. Il y en a déjà eu. C'est l'hypothèse la plus probable qui explique la disparition des dinosaures. Il y a des doutes hein, sur d'autres hypothèses, mais celle-là est vraiment... Sur le golfe du Mexique. Néanmoins, il y a un concours de circonstances qui est assez improbable, qui a permis la vie. Entre la proximité du Soleil, la température, l'atmosphère, rien que ça. Et c'est là où, personnellement, à ce que j'en lis, c'est que la définition même de proximité ou d'éloignement du Soleil ou d'un corps céleste de type Soleil dans l'espace n'est pas le seul paramètre pour l'établissement de la vie. On s'est rendu compte récemment que rien que dans notre système solaire, il pourrait parfaitement y avoir de la vie au niveau des satellites de Jupiter. Oui, mais pas de la vie telle qu'on connaît sur Terre. Tu veux dire qu'il peut y avoir de la vie... Des formes bactériennes ou des formes d'associations d'acides aminés. Oui. Sans le soleil pas. Oui, mais du coup, je pense aussi qu'il faut se poser la question. C'est là tout l'intérêt. Quand on parle de vie, on peut parler de vie. La vie, c'est à partir de quelques bactéries. Après, on peut parler de vie intelligente. Pas forcément intelligente au sens de vue, à notre point de vue un petit peu égocentrique de l'homme, mais au moins du point de vue de l'intelligence que certains animaux peuvent avoir, d'autosuffisance par exemple, par rapport à aller chercher de la nourriture. C'est déjà une vie un peu plus élaborée que... Dès qu'on est à l'état de bactéries... De toute façon, il y a un combat pour la vie, pour la survie, même pour une bactérie. Non, pour l'instant, on n'a pas trouvé vraiment de bactéries ailleurs. On a trouvé des acides aminés, des molécules base de la vie. On n'a pas trouvé des traces de bactéries dans l'eau des comètes ou un truc du genre? Non, c'est des acides aminés qu'on a trouvé, pas des bactéries. Donc une forme très basique d'assemblage d'atomes. C'est déjà de l'organique, c'est déjà la base de la vie. C'est quand même un signe. La soupe organique. C'est un signe. C'est un signe, exactement comme dit PJ. Ouais, donc des acides aminés, c'est déjà une structure complexe. Ah oui, tout à fait. Hein. Chimiquement, c'est complexe. Ouais, oui, tout à fait. Et donc, du coup, maintenant, si on prend un peu de mathématiques, on va rentrer dans la théorie des grands nombres. On sait qu'il y a combien de planètes, combien d'étoiles dans la Voie lactée? Alors, je sais pas le chiffre. On fait gagner un t-shirt si quelqu'un nous appelle avec le bon chiffre. Non, on fait gagner les signaux. Ah oui, mais c'est mon t-shirt, ils sont mauvais. Elle l'a porté une semaine en plus. Donc combien il y a de planètes, combien il y a d'étoiles dans le système solaire, et on n'observe que les étoiles du système solaire aujourd'hui, parce que les autres sont trop loin. Combien il y a de galaxies, combien il y a d'amas galactiques, combien il y a de galaxies dans un amas galactique, ben, ça monte très très très haut. Et finalement, ben, d'un point de vue statistique, les mathématiciens sont tout à fait d'accord pour dire, mais il n'y a aucune raison qu'il n'existe pas plusieurs milliers d'autres planètes où la vie est possible. On ne peut pas le quantifier, en fait. Voilà, alors, on ne sait pas trop. Parce mais que... le problème de la vie, c'est ça le vrai dilemme, c'est que tant qu'on n'en a pas trouvé une deuxième, il n'y a aucune statistique possible. Ben oui. Tout à fait. La statistique, on l'aura une fois qu'on en aura une deuxième. Non, ouais, y a pas de... Là, pour l'instant, on parle de chance potentielle. Là, on est l'unique. On n'a aucune trace d'une deuxième situation. Donc, il y a toujours le doute à se dire, même s'il y a plein de trucs, comme tu dis... Mais c'est très probable qu'il y ait de la vie ailleurs. C'est très probable, mais tant qu'on n'aura pas... Tant qu'on ne l'aura pas vu, on ne pourra pas dire, on est sûr. Mais parce qu'une fois qu'on va le trouver, la deuxième vie interstellaire, on va pouvoir clairement identifier éventuellement, vu qu'on l'a trouvé à tel endroit, on a tant de chances d'en trouver à tel endroit, etc. Oui, à un moment donné, si on nous voit qu'on a, on pourra... Voilà. Mais il y a quand même des moyens de calculer, avec un petit peu des fourchettes, mais on a moyen de calculer le nombre d'orbites possibles, le nombre de chances d'être sur la bonne orbite, multiplié par le nombre d'étoiles, on arrive à avoir une idée très superficielle. Moi, j'inviterais bien les auditeurs, hein, puisqu'on est en direct quand même, d'intervenir, de donner leur point de vue, leur avis au 03 29 62 40 40, c'est pas ça? Hein? C'est génial parce que je ne connaissais pas le numéro. Donc... Non, mais c'est moi qui le donne à chaque fois, t'inquiète. D'accord. Bon, ben moi je le connais. Toi. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause musicale à nouveau? Oui, mais il faudrait annoncer la musique, le nom de l'artiste. Ouais. Ben, tu sais quoi? Je vais annoncer le titre. C'est, t'as pas du style. Je sais pas. Non. Non, bon, t'as rien. Non, là, tout de suite. C'est vrai qu'il y a un style musical que j'aime beaucoup qu'on n'a pas encore trop passé. Là, on va écouter simplement le grand maître du saxo, John Coltrane. C'est avec très spatial, ça. Lazy Bird. Je m'attendais à un truc un peu plus. Oh, c'est spatial, Lazy Bird. C'est pas mal, Lazy Bird. Allez, c'est parti sur Radio Gimozo. À tout à l'heure. Thank you. Le débat Radio Kemozo 107 FM, la radio qui ne ressemble à aucune autre. Et on est de retour sur Radio Kemozo. Oula, il s'en étouffe. Il se nettoie, Coltio. J'aime bien ce jingle, alors, cette radio qui ressemble à aucune autre. Reste en ligne. C'est peut-être pour ça que personne ne fait copier. C'est l'effet des verres. Je suis obligé de baisser le micro de Julien D, parce que là, c'est vrai que ça sature carrément. Hein. Ouais. Ça sature carrément. Alors. Non, mais juste pour le plaisir, tu peux nous repasser ce petit dernier jingle là, il est vachement bien. Juste la partie, la fin. Là. La fin, juste la fin, ouais. C'est vrai, je sais pas si j'arriverai à avoir. Je sais pas s'il y en avait deux. À caler la fin. Ou si c'était un complet. On peut se le réécouter entièrement. Le débat Dio. Radio Kemozo 107 FM, la radio qui ne ressemble à aucune autre. Bah c'est pas mal. Faut savoir pour nos auditeurs qu'on découvre les jingles de Monsieur F en live en même temps que les auditeurs, hein, et bah, j'ai fait ça cet après-midi, hein. À tête reposée. Enfin, c'est sûr pas trop, que t'étais vraiment reposé. On parlait Virtu et OpenStack en même temps. Bon, messieurs. Tout un espace. L'important stack, n'est pas... Nébuleur. Nébuleux. Plutôt. Voilà, c'est nébuleux. Mais l'important n'est pas l'enveloppe. C'est à cœur que c'est important. Le sujet de ce soir est tellement majeur pour nos concitoyens. Donc il faut que nous soyons investis de cette idée de grandeur. Allons-y. Donc... l'espace, la grandeur de l'espace, une débauche de moyens exceptionnelle. Moi, je voulais qu'on parle de ça. Une débauche de moyens de dingue depuis la NASA, la conquête spatiale, l'homme sur la Lune. On a... enfin, déjà, moi, je pense qu'on pourrait faire une aparté. Est-ce que l'homme est bien allé sur la Lune, hein? Non, bah, ça, c'est... Oh, non, tu n'as pas le complotisme de base d'étage. C'est Kubrick qui aurait tout filmé et tout. Ouais, non, c'est assez improbable. C'est comme la Terre qui n'est pas ronde. Le platisme. Non, mais il y a de la littérature sur Internet qui est assez impressionnante. J'ai pas réussi à être convaincu personnellement. Ah, c'est difficile à croire. Hein. C'est surtout les explications pour parer au truc improbable, genre. T'es téléporté de l'endroit en haut à gauche vers en bas à droite, ouais, pour éviter de tomber. Est-ce que toi t'es réceptif à ça? Ah, pas du tout. Non, mais ah, tu me rassures. Non, mais je pense que c'est bien d'en parler aussi. Tu me rassures. On y a été une fois, pour qu'on n'y retourne pas. En fait, parce qu'on n'a plus rien à foutre. Bah, de mon point de vue, c'est que c'est trop cher. C'est particulièrement cher. Ouais. Bah, attends, Kubrick. L'humain, c'est que mort, c'est trop cher. Enfin, c'est une question d'investissement. Rapport qualité-prix. Bah, le gain qu'on en a. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un intérêt particulier juste à mettre quelqu'un sur la Lune. C'est ça. On a investi, à mon avis, on a investi autant qu'à l'époque depuis, à de nombreuses reprises. On a encore. Enfin, l'espace nous coûte toujours aussi cher, mais malgré tout, pour faire d'autres conquêtes, d'autres découvertes. C'était quoi l'objectif d'aller sur la Lune? La station spatiale, marketing. Il y a beaucoup de... Ah, c'était marketing, oui. Ah, c'était contre l'URSS. Ah, voilà. D'accord. C'était cette ambiance de guerre froide. D'accord. Il fallait montrer quel bloc était le plus puissant. C'était celui qui avait la plus grosse. Mais néanmoins, ça a mis un coup d'accélérateur à la recherche. Ah, forcément, les États concernés, donc, en particulier les USA et aussi dans une la Russie, presque aussi importante, l'URSS. Mmh. Ont mis énormément d'argent, donc les USA, c'est à travers la NASA, pour tout ça. Et donc, ils ont mis des gros chiffres, hein, des gros dollars ou des gros roubles. Et puis aligner des scientifiques aussi. Avec donc, du coup, beaucoup d'emplois dans le domaine. Mmh. Alors après, voilà, est-ce que c'était utile, tout ça, c'est un autre débat. Mmh. Mais ça coûtait très cher et beaucoup de choses ont été faites. Alors... Aujourd'hui, il y a de l'argent qui va, notamment dans l'ISS. Il y a des expériences scientifiques qui sont menées très fréquemment pour différents objets d'études de différents endroits de la planète, parce que l'ISS est international. Il y a un certain... Alors, les expériences qui sont menées sont des expériences pour comparer, faire une expérience, mais dans un milieu à micro-pesanteur, voir comment ça réagit. Alors, attends, au niveau de la vie. On parle de trous de la sécu. Ouais. C'est rien à côté de ça. Non, mais pourquoi, voilà, on fout des millions là-dedans, alors qu'on milliards. Des millions de milliards. Ouais, c'est clair. Non, mais avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite à ce savoir. On va il n'y a pas de limite à cette conquête. Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est un choix purement politique. Ça ne servait pas, mais ça a servi. Ça a servi à quoi? Je vais être plus clair. Ça ne servait à rien tant que c'était pour aller sur la Lune. Voilà. C'était un message politique. L'URSS, maintenant en Russie, hein, bien voilà, précisé. À ce moment-là, ça ne servait à rien. Et après, l'application pratique qu'on a tous connue dans les années 90, c'est le développement des satellites, que ce soit en communication ou en télévision. Ouais. Et ça, c'est une application très pratique qui, d'un seul coup, a rapporté de l'argent. Et ça, ça s'est développé. Le nombre de satellites qu'on a dans l'espace, on ne calcule plus. Le réseau GPS, dès on ne calcule plus l'intérêt. C'est l'intérêt, c'est exactement. Ça. Exactement. Là, on est devenu sur quelque chose qui est industrialisé, non, industrialisable. Les gaillards qu'on entretient. Ariane rapporte de l'argent. Mais certes, mais les gaillards qu'on entretient dans l'ISS, ils ne servent pas à transmettre des infos aux télécoms. Ça, c'est hein. une image d'épinal. C'est pour faire des expériences scientifiques en dehors de la Terre. Mais c'est vrai que le coût que ça nous coûte par rapport à l'intérêt que ça en revient. C'est pas ce qui est palpable pour l'être humain. Moi, je dirais plutôt que ça a sûrement encore un intérêt, et je vais en parler d'une autre manière. Si aujourd'hui, des pays émergents, comme l'Inde, comme la Chine, comme le Japon, émergent, qui n'est plus dans les émergents, mais qui a un gros retard au niveau de l'espace, mettent autant d'argent dans l'idée d'aller dans l'espace, d'être capable de gérer des satellites, d'avoir leur propre lanceur satellite, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il y a un intérêt. L'intérêt, si on regarde le programme chinois de l'espace, qui s'appelle le Long March, leur idée est de permettre d'envoyer donc des satellites, comme tout le monde, pour nous récupérer mais le marché bien, des expéditeurs. Ils voilà. ont un peu de mal, mais... Ils ont du mal. Pour l'instant, ils ne sont pas rentables, ils ont un peu de mal, mais ils en sont pratiquement... La rentabilité dans l'État communiste, alors, c'est la Chine, peu... oui, voilà. La rentabilité, ils ne connaissent pas, ils s'en fichent. Non, ce qui est plus sérieux, c'est que là, ils veulent passer le grade au-dessus et aller concurrencer, puisqu'on sait que maintenant, c'est plus les États qui s'en occupent, mais deux sociétés privées au niveau du côté États-Unis pour les lanceurs. Donc SpaceX et puis l'autre dont le nom m'échappe, mais qui appartient à Bezos, à Amazon. C'est pas... Ah oui. Donc SpaceX avec Elon Musk et l'autre qui appartient à Amazon. Il n'y a pas Lockheed Martin qui fait ça Mais avec Amazon, il y a une joint venture. Et donc du coup, une société commerciale cherche à faire des lanceurs réutilisables pour aller dans l'espace, emmener du matériel et redescendre sur Terre. Et les Chinois sont sur la même idée, pour 2020, avoir leur propre lanceur récupérable. Alors ça, c'est une grosse invention, parce que jusqu'à maintenant, je rappelle qu'on utilisait des fusées de M. Von Braun, qui nous a mis, pendant la Seconde Guerre mondiale, des fusées sur la tête pour détruire Londres et détruire tout le nord de la France, ou des fusées militaires, qui ont été récupérées par les Américains et les Français, puisqu'Ariane en a aussi profité, pour créer des fusées pour aller dans l'espace. Donc au lieu d'aller viser un objectif balistique sur Terre, on allait viser un petit point un peu plus haut, ça s'appelait la Lune. Et que depuis ce temps-là, la technologie du gros pétard qui décolle de Kourou ou qui décolle de Cap Canaveral n'a pas trop changé. C'est vrai. Un pétard. Les choses réutilisables, il y en a. Les navettes américaines sont réutilisables. Alors, et un certain morceau des lanceurs sont certes jetés, certains sont récupérés. Le problème des navettes, c'est que ça répondait à un moment où on avait l'utopie de penser qu'on pourrait voler dans l'espace façon film de science-fiction. C'est ce qui est en train d'être développé par Elon Musk. Là, il nous a annoncé qu'il allait. Alors c'est un peu différent parce non, que mais était récupérable. Passé... Il les récupérait. Ouais, mais la navette spatiale. Les navettes spatiales, il fallait refaire la céramique, ça a été un foutoir. Le problème de ça, c'est que ça avait été créé la céramique qui permettait d'éviter qu'elle surchauffe. En fait, je me permets. Il y a Lissigno qui tente de parler. Ouais, il est poli, mais... il nous interrompt pas. Il interrompt pas PJ. Mais faut pas hésiter, PJ. Il faut le taper pour parler. Autour de cette planète bleue, c'est une poubelle. Ah, autour, c'est l'horreur. Autour, c'est une poubelle. C'est l'horreur. Donc, qu'est-ce qui est récupérable? Il n'y a pas grand-chose à récupérer. Expliquez-moi. Mais c'est bien pour ça que, justement, il faut changer les mentalités et ne plus envoyer des satellites qui vont s'autodétruire ou des lanceurs qui vont s'autodétruire en 1000 morceaux. Ouais. Et commencer à penser à des satellites qu'on pourrait récupérer. Donc là, c'est toute une partie où il y a beaucoup d'avancées, mais là, c'est plus du tout dans l'industrie. C'est dans connaissant l'être humain, je suis pas certain que le but premier soit d'aller ramener les satellites foutus. Non, je mais les boîtes noires qui sont dedans, très certainement. Ah, éventuellement. Récupérer les technologies. Ouais. Oh, je suis pas sûr. Si. Alors, à mon avis, c'est quand même pour l'exploitation de minerais sur la Lune, etc. Alors, ils sont en train de travailler là-dessus quand dans même. Un temps pas rapide. Mal. Ça, c'est du très, très, très, très long terme. Je suis pas certain que ça soit du très, très, très, très long terme. Ah non, mais là, je vais dire quelque chose d'actuel. Vous suivez les informations? Ouais, j'ai vite. Le ministre de l'Armée a annoncé la semaine dernière qu'il y avait eu un satellite chinois qui était venu se positionner juste à côté des oreilles d'un satellite français pour en intercepter les communications. Oups. Donc ça veut dire que les Chinois maîtrisent la technologie du harponnage spatial, sont capables de placer leur satellite par un harpon électromagnétique qui va venir viser le satellite cible, se rapprocher de lui, déployer son antenne, et hop, on chope les communications au point le plus simple, directement à la réception. Ah, ça me fait rigoler à l'époque des chiffrements très efficaces qu'on arrive encore à envisager des choses comme ça. Non, mais c'est comme mais beaucoup de choses avec les Chinois. Hein. Ouais. Derrière l'image, comme tu dis, l'image d'Épinal, où on ne s'inquiète pas trop de la Chine, néanmoins, elle a des moyens colossaux. Elle ne s'est pas réveillée la semaine dernière pour lancer des opérations. Voilà, ils n'ont pas lancé des opérations de masse comme ça. Alors le but, ça va être... C'est le jeu géopolitique. Il y a un jeu géopolitique d'avoir la plus grande. Je te donne quelque chose de très concret. Tu as entendu depuis 2 ans M. Trump aux États-Unis, le nouveau président, annoncer qu'il voulait créer une division de l'espace de l'armée américaine. Ouais. Donc on se dit, ça y est, il est tombé sur la tête une fois de plus. Il est encore en train de nous en sortir une. Mais c'est pas si con que ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, dans l'espace, qui est censé être un territoire neutre, se passe la future géopolitique. Le pays qui réussira à avoir là-haut, et c'est malheureusement déjà le cas, très certainement, des satellites avec visée laser ou des lasers en espace. Là, on revient en plein dans les James Bond des années 70 où c'était de la science-fiction. Ça va être Star Wars. Eh bah, bien, justement, on arrive à ça. C'est que si un État est en capacité, dans l'espace, d'imposer ses conditions et de pouvoir détruire n'importe quel satellite de n'importe quelle autre nation, il peut en perturber les communications, il peut en perturber le fonctionnement militaire. C'est la guerre. C'est un paradoxe. C'est bien pour parce ça qu'aujourd'hui, ils veulent avoir tout une division. Les satellites dans les années 80-90, c'était un moyen de communication énorme. Mmh. C'est un moyen de communication qui diminue énormément. Aujourd'hui, le gros du déploiement de communication, ça reste les fibres optiques pour des raisons de... J'ai utilisé un terme technique, de latence. Les communications par satellite, c'est pas du tout non, ce en qui déploiement. Se passe, c'est que... À un moment dans les années 90, on a voulu utiliser le satellite pour aller vers le particulier. Donc pour permettre d'aller envoyer soit de l'internet, soit du téléphone. Il y a eu un grand mouvement par rapport à ça. On s'est vite fait rendu compte que le coût de déploiement par rapport au coût d'abonnement que pouvaient supporter les personnes n'était pas tolérable. Donc du coup, aujourd'hui, c'est toujours aussi utiliser les satellites, mais c'est utilisé à terme d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on va multiplexer les canaux et ça sert aux opérateurs pour passer l'information d'un point A à un point B de la planète. Ça sert plus aux particuliers directement à appeler. Quoi. Moi, de moins en moins, malgré tout. C'est toujours utilisé, mais de moins en moins. Bah, la fibre, tu sais, elle n'est pas sécurisée. Hein. C'est un autre sujet, mais je dis pas les Américains comme les Israéliens ont des sous-marins capables d'aller intercepter de la fibre optique en plein océan. Ouais, mais c'est pareil avec les satellites. La fibre a moins de risques, et malgré tout... Il y en a autant. Tu as des drones sous-marins en permanence autour du globe capables d'aller pirater n'importe quelle fibre. Le problème, il n'est pas là. Il y a des problèmes. Et puis, ils ont déjà des éléments dans les différents... Dans les différents data centers pour récupérer. En plus, la technique de piratage est connue puisque les bateaux de réparation de fibres n'ont jamais autant sorti que ces dernières années pour aller réparer des pseudo-problèmes sur des lignes où il n'y avait absolument pas de problème de tremblement de terre ou des problèmes de déplacement du sol sous-marin. Mais les lignes étaient abîmées. Oui, voilà. Mais on est là. Possiblement aujourd'hui les fibres optiques transocéaniques, elles servent à tout le monde. Elles servent pas qu'à un pays. Le pays qui casse une fibre optique, il sera embêté autant que les autres. Bah, c'est-à-dire que la particularité, c'est que les fibres aujourd'hui permettent de transmettre plus d'informations avec un temps de latence, c'est-à-dire le temps où l'information, elle, entre le moment où l'information part et le moment où l'information arrive. Eh bien, ça a l'air de rien, mais dans les satellites, c'est d'environ une seconde. Alors, c'est parce que tu pars du principe des anciennes technologies. Avec les techniques de transmission laser, ça, tu peux l'oublier. Je ne vois pas pourquoi que le laser irait plus rapidement. La vitesse de la lumière. Eh bien, oui, donc, mais ton temps de latence n'est pas mesurable. Les ondes radio vont à la même vitesse. Ah bon ? Ah ben, complètement. Les ondes radio vont à la vitesse de mon lumière. Point de vue, si. Sûr à 100%. Une onde radio que la alors, vous savez quoi, les gars ? On est en train de faire une digression sur les télécoms. Non, mais j'ai un exemple très simple. J'ai un exemple très simple, PJ. Là, ça m'embête parce que c'est vrai que tu as tort. J'ai du mal à conceptualiser. Simplement, par exemple, pour le trading ouais. Haute vitesse, ça, c'est l'exemple qu'on me donne quand je disais comme toi il y a peu de temps. Le trading à haute fréquence, pour effectuer des transactions très rapides maintenant, ils ont remarqué, enfin, ils ont calculé, c'est une évidence pour eux, pas pour nous, qu'ils arrivaient à passer des ordres beaucoup plus rapidement grâce à des faisceaux hertziens chaînés depuis Francfort jusqu'à Londres. Faire du mesh, ce qu'on appelle. Du mesh, MESH. Ce que je veux dire, il y a un enchaînement, il y a des relais. La technologie utilisée. Il y a des relais et ils utilisent cette technologie-là parce qu'elle va plus vite que les liaisons fibre optique. Alors, malgré la présence de fibres noires de bout en bout, donc pour cause de la congestion, pas à cause de la technologie. Je vais donner un petit coup. Ils ont les moyens de se payer des fibres dédiées pour le trading. Hein. Ouais, c'est des technologies encore plus chères qu'ils utilisent. Vraiment, c'est pour gagner. Là, ils gagnent juste des millisecondes. Ils partent quelques millisecondes. Peut-être même des millièmes de millisecondes. Ouais. Des millisecondes. Non, pas des millièmes, des millisecondes. Des millisecondes. Bon, revenez à l'espace. Revenons à la lumière. La lumière se déplace dans le vide à 300 000 km par seconde environ. Les ondes radio, ce sont de la lumière. Quand on parle de la vitesse de la lumière, c'est au sens large, c'est-à-dire l'onde électromagnétique composée en partie de la lumière. La lumière visible, c'est qu'une toute petite partie. Les ondes radio, c'est la même chose. Le spectre électromagnétique, c'est les ondes radio, puis la lumière, puis les rayons X, puis les rayons gamma, et pour finir, les rayons cosmiques qui sont moins connus. Tout ça, ça va à la même vitesse. Ça dépend uniquement du milieu dans lequel ils sont, le vide. C'est environ 300 000 km par seconde. L'air, c'est presque la même vitesse. C'est rapide. La fibre optique, c'est 200 000 km par seconde. Alors, recontextualiser cette conversation. L'électricité, c'est 233. Alors, non, mais parce que l'idée, c'était quoi ? Pourquoi vous étiez... J'étais en train de dire que... Les communications satellitaires. Non, la maîtrise de l'espace, en fait. La maîtrise de l'espace est importante, mais les communications n'est plus l'intérêt principal des communications dans l'espace. On s'éloigne de l'espace, finalement. Je ne suis pas certain que ça ne soit plus un sujet majeur. La majorité des satellites qu'on envoie, ce n'est pas des satellites espions, c'est des satellites de télécommunication. C'est essentiellement des satellites d'observation, météo. Il y a aussi des communications, il y en a aussi beaucoup, mais il n'y en a pas tant ça. Mais communications de type téléphone, de type... il n'y en a pas beaucoup non plus. Télévision. Télévision, mais il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Je ne changeais rien contre une box oui, Internet. Oui, mais d'ailleurs, ta parabole, elle a quel âge, le satellite qui est en face de ta parabole ? Alors, je ne sais pas quel âge a Astra, j'en sais rien. Ah, mais... une vingtaine d'années. Hein. Ouais, peut-être. Astra, mais La fourniture d'accès à Internet par le satellite est en train d'exploser. Nous petits Français, dans des grandes villes, etc., on ne se rend pas compte parce qu'on pense à la fibre. Mmh. Mais il faut se dire que pour innerver de réseaux... L'Afrique, exactement, c'est le très bon exemple. Ou l'Amérique du Sud, écoute, ils n'ont pas d'autre alternative que le satellite. Toutes les zones à faible densité de population, c'est une source... Mais pas forcément faible densité de population, faible revenu. Il y a l'Inde aussi extrêmement concernée. Non, mais c'est vrai. Détends-toi. Je repense à notre ami Elon Musk, on en a parlé tout à l'heure. Il me semble qu'Elon Musk a dans ses projets la mise en place de toute une constellation de satellites qui ne serviront qu'à délivrer de l'Internet. Mais je pense qu'il va y avoir... orbite basse. Aujourd'hui, les satellites orbite basse, il n'y en a pas pour les télécommunications. Moi, ça me surprend. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, c'est toujours des satellites géostationnaires. Les satellites géostationnaires, c'est environ une seconde de faire l'aller-retour. En fait, c'est une seconde... une demi-seconde. Mmh. Une demi-seconde de faire l'aller et une autre demi-seconde pour revenir. Ça crée des latences de 1000 millisecondes. Il faut savoir que dans les jeux vidéo, certains jeux vidéo, à 100 millisecondes, ils ne peuvent plus jouer. De ce que j'ai compris par rapport avec à... Gamer, toi, hein. De ce que j'ai compris sur les orbites basses. Le jeu, parce que... de mon point de vue, les orbites basses, ce que j'ai compris, c'était surtout le principe de la vitesse du satellite dans le ciel. Le problème par rapport à ce qu'on a... Actuellement, on n'avait pas les capacités qu'on a aujourd'hui d'envoyer une rafale de satellites. Ouais, maintenant, donc, quand on en envoyait un, accessible. Voilà, quand on en envoyait un satellite, ben, on le mettait au bon endroit pour émettre au bon endroit. Alors que là, on est sur des projets de constellation, c'est-à-dire ouais. qu'un peu à la façon du GPS, on va mettre un nuage de satellites. Tout à fait. Et qui seront mouvants. Alors, je vais redonner des petites explications techniques. Un satellite dit géostationnaire, c'est un satellite qui a un orbite très précis, au-dessus de l'équateur, sinon il y a un petit décalage, mais c'est un orbite très précis qui est un orbite dans lequel la vitesse est la même que la rotation de la Terre. Ce qui fait que le satellite, il est toujours au-dessus du même endroit de la Terre. Celui qui est au-dessus de Paris, enfin, il est plutôt au-dessus de l'équateur, mais au niveau de Paris, il y reste. Ce qui fait qu'on plante notre parabole, on la pointe vers là, et bien la Terre tourne, le satellite, il va à la même vitesse. Ça, c'est 36 000, je crois que c'est 36 000 km d'altitude. L'orbite basse, on est autour de 1000. Le truc, c'est que le satellite doit aller beaucoup plus vite pour ne pas tomber, parce que plus c'est haut, moins il y a besoin d'aller vite. Et là, on est bas pour l'orbite. 1000 km, c'est le plus bas d'orbite qu'on puisse avoir. Hein. En dessous, on commence à avoir des traces d'atmosphère. Alors, c'est pas 900 km, hein, mais 1000 km, c'est approximatif. Et donc, il va très vite. Donc, si on veut couvrir une zone, eh ben, il faut qu'on ait plusieurs satellites qui passent. Donc, ça crée, comme tu dis, des constellations. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Par contre, les satellites sont beaucoup moins chers à envoyer, mais il en faut beaucoup, beaucoup plus. Non, et puis, les antennes qui sont plus directionnelles, mais qui s'adaptent. Malgré tout, on parle d'une situation où on va avoir des satellites et là, qui vont être dans un esprit de rentabilisation. C'est-à-dire qu'ils vont rentabiliser l'envoi des satellites en vendant le service Internet. Ouais, mais, et là, on est à 1000. Moi, donc, tout à l'heure. On va 36, une distance 36 moindre, donc un temps 36 certes. Moindre. Donc ça moi, je ne vous parlais pas des performances. Moi, je vous parlais simplement de l'aspect investissement. L'aspect investissement. Qu'est-ce qu'il nous fait comme signe, notre ami Lissigno? Je sais pas, il regarde sa montre pour voir l'heure, mais il y a une pendule juste au-dessus. J'ai cru que j'avais appuyé sur un bouton, et le réflexe. Mais c'est purement nerveux. Hein. C'est la montre de James Bond, hein. Ça va exploser. C'est ça. Moi, je te disais simplement sur l'aspect économique de la chose. Parce que là, on parle de choses qu'on essaie de rentabiliser, on justifie l'investissement. Moi, je te parle par exemple du satellite Planck ou des choses comme ça qui, du coup, ont vraiment qu'un intérêt scientifique. Comment on justifie ça? Parce que typiquement, on va peut-être moins investir sur la recherche contre le cancer ou des choses, alors que là, il y a des sommes mais faramineuses qui sont investies dans la recherche spatiale. Mais c'est toujours la même chose. Hein. Si on se pose la question de la rentabilisation à court terme d'une étude scientifique, on ne fait aucune étude scientifique. Hein. Et donc aujourd'hui, on n'aurait toujours pas la moindre technologie à notre portée. Donc quand on investit dans de la recherche, c'est pour les générations futures. Donc il y a tous les États développés... investi dans la recherche, notamment pour que des technologies émanent des pays, de nos pays, parce que c'est pour nos enfants, ou nos petits-enfants même. Si on commence par se dire, est-ce que c'est utile de faire une recherche sur telle technologie, on ne sait pas ce qu'on va trouver puisqu'on le cherche. Et on va trouver tôt ou tard des choses qui se rapporteront de l'argent, et on va aussi trouver plein de choses qui ne serviront pas ou qui ne fonctionneront pas. Donc la question de est-ce que ça vaut le coup d'investir dans la recherche spatiale, c'est la question de est-ce que ça vaut le coup d'investir dans la recherche. C'est une question politique, moi je ne veux pas répondre à ça. Mais... non mais je veux dire, c'est sûr que ce n'est pas rentable à court terme. De la recherche médicale, moi ça m'intéresse quoi. Ouais, mais c'est tu sais la recherche médicale aujourd'hui, la recherche médicale qui se fait aujourd'hui, quand on parle de recherche, c'est pas pour au mieux il trouve une nouvelle molécule. Le temps qu'il identifie, qu'il machin, il y a 10 ans qui passent. À un moment donné, ils vont faire un médicament. Hop, 10 autres années. Et à un moment donné, il va falloir tester le médicament, voir s'il est. Hop, encore 10 ans, hein, c'est 30 ans. Hein. Alors après ce flux ininterrompu d'informations. Je vais faire une petite pause pour nos auditeurs. On va revenir sur tout ça après, mais j'ai envie qu'on parle de sujets plus humains, terre à terre. Plus terre à terre. J'ai envie qu'on parle, non, mais de choses aussi qui vont nous distraire un peu plus. On va parler de l'espace, du fantasme et du cinéma. On se retrouve dans quelques instants après Non, c'est pas une musique de film, je crois que c'est le rappeur Hocus Pocus. Moi je m'attendais à du Dominal, l'Odyssée de l'Espace, là je suis très déçu. Non. Le numéro de téléphone de la radio. Tout à l'heure je t'ai mis une musique de film pour l'introduction, tu m'as dit que c'était la flèche clochette ou je ne sais plus. Donc j'arrête avec les musiques de film. C'est PJ, mais en l'occurrence c'est un peu bizarre comme musique. Hein. C'était pourtant la musique d'un super film. Non mais c'était pas bizarre, c'était ton intro qui était bizarre. C'est mon intro. Bon. Comme toi t'es le patron de la radio là t'es dans les commandes, t'es aux commandes de la radio. Mais c'est pour ça. C'est quoi le numéro de téléphone de la radio déjà ? Mais je ne sais pas. Ah d'accord. Voilà, je ne connais pas. Alors, je vous retrouve dans quelques instants avec nos amis autour de la table. On ne te demande pas si tu la connais, on te demande de la dire. Non, mais je ne la connais pas. On y arrivera. Vous savez quoi ? Il y a un truc très malin. Alors, je donne un conseil à nos amis du CA depuis... Alors moi, je suis au CA depuis très peu de temps. Si vous voulez jouer à ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a même pas un papelard à la régie avec le numéro de téléphone ? On n'est pas censé être un extrémiste de Radio Game Ozo et de connaître par cœur un numéro. Je n'ai pas besoin de connaître ce numéro par cœur. C'est la première fois que j'entends cette demande. Voilà, et ben écoute, c'est une demande qui est pourtant... Tu es bénévole à la radio, tu devrais savoir le numéro de téléphone. 03 29 62 40 40, c'est tout simple. Bon, si une âme charitable pouvait justifier le paiement de cet abonnement téléphonique et nous appeler, on se retrouve dans quelques instants après ce morceau. Fais vibrer les particules, si j'articule, tu comprendras ces mots hélas vrai. Je parle musique et eux parlent hit. Je suis sur le beat pour le trip et eux pour le free. J'ai ni la carrure, ni les cicatrices d'un 50 cent, ni le dixième de son vécu, mais je distille ses rimes avec la passion qui m'anime. Et pas pour le choix unanime d'un single qui n'a ni plume ni mélodie. Juste un slogan de pub gravé dans ton crâne comme un bon produit. Je me lève zig bouf zi, mes tympans de grooveur à full zi. Je me couche zig red zig fusil, mes diamants que tu perds ta AZ. Yeah, j'envie ses mains déliées sur les 73 touches noires et blanches. J'admire ses vies dédiées, ma espiliolité et ce timbre étrange. J'envie ses mains déliées sur les 73 touches noires. J'aime ces variations cuivrées, le swing des balais, le silence. J'ai mis du bleu dans mes notes, jazz et soul, on and on. Bonne vibe, on est comme tribe, on est homme. Loin des sucks, on décolle, sans connu alcool, ça t'étonne. Il me faut un piano à cordes, des stylos à ma portée, un xylo des cordes et les notes sur la portée. J'en rêve, pianissimo forte, et là je commence à douter, tentation est forte, mes tentatives avortées. Bref, reste donc cartésien. Je suis pas Mozart, et ces accords au fond, c'est pas les miens. Je rends à César ce que bon nombre a pillé, pitché, pour faire une compo de pli. J'envie ses mains déliées sur les 73 touches noires et blanches. J'admire ses vies dédiées, ma espiliolité et ce timbre étrange. J'envie ses mains déliées sur les 73 touches noires et blanches. J'aime ses variations cuivrées, le swing des balais, le silence. And you're coming to the house of the jazz of the funk. Music from the soul, y'all. That is soul. And you're coming to the house of the hip hop jazz. This is music composition. Groovy, I said groovy. Qui ne ressemble à aucune autre. T'as trouvé le nouveau slogan de Radio Game Ozo, c'est ça? Ah, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Allez, Julien F est une source intarissable d'idées, d'innovations, ouais. Bon, de modernisme. Tout n'est pas bon à prendre, mais. Ah, si, si, bah, juste le nom Radio Game Ozo. Ah, si, bon, Lizinho a une très grande difficulté avec le Game Ozo. Ah, bah, beaucoup de monde. Bah, il a du mal avec le côté gay de Game Ozo. C'est vrai que c'est ça que tu m'as dit. C'est, ça perturbe tout le monde. Hein. Et ça attire la curiosité. Clarifions la chose. Radio Game Ozo est une radio très ouverte, mais qui n'est pas spécifiquement gay. Elle est ouverte à toutes les formes de gayeté. Regardez l'orthographe de gay. C'est vrai. C'est vrai. On fait le passage de la rivière. Hein, là. Heureusement. J'arrête dans les micros. Alors, heureusement que PJ est là pour. PJ. Pour replanter le décor. Alors, notre ami PJ est donc avec nous. Notre ami Julien D. Notre ami Lizinho. Oh putain, c'est on a senti la concentration avant de le dire. Hein. Champagne. Comme je vous disais avant le petit break, j'aimerais qu'on parle un peu plus du côté fantasmé de l'espace, le côté SF, pour dire clairement, voilà, le côté Dune, le côté Star Wars, ce qu'on aime bien, notre côté un peu geek qui ressort à tous. Alors, trou de verre ou pas trou de verre? Ah, tu vois, ça aussi, ça m'intéresse, oui. Trou de verre ou pas trou de verre? Alors, c'est quel film on a qui traite de ça? Non, le trou de verre est un concept... Oui, mais là, toi, tu parles là-dessus, mais moi, je te parle de cinéma. J'ai envie qu'on parle du côté SF. Alors, c'est aucun film, c'est Stargate. Stargate, c'est vraiment l'exploitation d'une idée du trou de verre. Voilà. Mais on le trouve avant. Hein. Je pense que vous me parlez de films que j'ai jamais vus. Stargate, Star Wars, j'ai jamais regardé. Star Wars, je crois que nous allons devoir t'évacuer du studio parce que si t'as pas vu Star Wars. Non, mais c'est pas un film qui me batte. Tu sais que j'ai un t-shirt, j'ai un sweatshirt Star Wars que j'avais pris dans la voiture au cas où le retour était un peu frisquet. Parce qu'on fait des afters, on tient jusqu'à 23h, des fois il fait froid dans les Vosges. Mais en termes de SF, c'est vrai que le Star Wars, c'est une des bases. Oui, mais il y a assez peu de concepts de trou de verre, à part la vitesse qui dépasse la lumière, mais sans trop d'explications. Il n'y a aucune explication. Il n'y en a aucune. Ouais. Hein, il y a beaucoup de séries qui donnent des explications sur comment faire pour atteindre la vitesse de la lumière. Où il y a c'est toute une fiction, hein, parce qu'il y a... Vous pensez que ce serait possible, ça? Que l'homme atteigne c'est la vitesse de la lumière? C'est le concept du trou de verre, en fait. On ne peut pas... Dans la théorie de la relativité, qui est quasi certain, que ça soit on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Vert, hein. Trou de verre, c'est un point, c'est un raccourci en fait. Si on va plus vite que la lumière, donc ça veut dire qu'on ralentit la Terre, c'est ça. Hein, un truc comme ça. Je vous propose de. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Je vous propose de laisser la parole à PJ. Non, PJ est fatigué. C'est vrai, c'est bizarre. Ça. Qu'on reculerait le temps, non, c'était pas un truc comme ça. On m'avait dit qu'on pourrait aller dans l'espace-temps. Ça, c'est de la fiction. Style retour vers le futur, un truc comme ça. Ça, c'est de la fiction. Si on irait à la vitesse de la lumière. Si on va à la vitesse de la lumière, dans la théorie de la relativité, a priori, à la vitesse de la lumière, le temps ne s'écoule plus. Si on irait plus vite, le temps... On pourrait reculer, mais on peut pas aller plus vite. C'est une vitesse maximale dans la théorie de la relativité, donc très proche de. Voilà, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais on sait que c'est à peu près vrai, en gros. Hein. Je ne vais pas rentrer dans des détails scientifiques, je ne maîtrise pas, mais la vitesse de la lumière. PJ se frotte la tête. La vitesse de la lumière. En plus d'être fatigué, j'essaye d'intégrer ce qu'il me dit, mais j'entends c'est, mais c'est pas. Donc non, du coup, je compliqué. Ne sais plus. La théorie de la relativité considère la vitesse de la lumière comme une vitesse maximale inatteignable. Inatteignable, d'accord, donc c'est impossible. Donc on peut pas aller plus vite, si on peut même pas y aller à la même vitesse. Si on s'approche de la vitesse de la lumière, le temps ralentit. Mais la perception du temps vu de l'extérieur, parce que le temps, quand on y est, le mot-clé dans la théorie de la relativité, c'est relativité. La vie ralentit. Tout est relatif, c'est d'un point de vue autre qu'on perçoit différemment, mais quand on y est, on le sent pas. Alors moi j'ai un petit exemple à donner. Je ne suis pas certain que vous le saisissiez, parce que même moi, j'ai du mal à saisir ce que je m'apprête à dire. C'était déjà du mal. J'avais entendu un truc très intéressant sur les trous noirs. Ça n'a pas de rapport avec la vitesse de la lumière, mais on m'avait dit que vous voyez un objet tomber dans un trou noir, en théorie, on ne le voit pas tomber dans le trou noir, on va voir sa vitesse. Enfin, s'il y a un observateur qui regarde un objet qui tombe dans un trou noir, il va voir cet objet tomber de moins en moins vite dans le trou noir, mais sans jamais le voir le moment où il va rentrer dedans, en fait. Tu trouves un trou noir où c'est ce qu'on vous expliquait d'après la théorie de la relativité. Il va de plus en plus vite. Alors, il y a aussi la gravité qui joue. Donc, il y a aussi la gravité qui change, pareil, la perception du... Voilà. En fait, dans la mécanique classique, qu'on connaît de Newton, on a des choses qui sont immuables. La masse ne change jamais, quel que soit où qu'on soit, la masse ne change jamais. Le poids change, hein, mais la masse ne change pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails. De la même façon, le temps est universel, il s'écoule de la même façon partout. La théorie de la relativité ébranle ça, la masse influe, elle évolue en fonction de la vitesse, et la vitesse aussi, le temps, pardon, évolue aussi en fonction de la gravité et de la vitesse. Donc la théorie de la relativité, c'est un ébranlement de plein de domaines scientifiques qui étaient vraiment prouvés scientifiquement, et on s'est rendu compte, oui, ben non. En fait, ça c'est vrai sur Terre, mais quand la gravité commence par être beaucoup plus importante ou la vitesse beaucoup plus importante, ben c'est plus vrai. Je tiens à vous rassurer tous, ce moment de l'émission s'appelle science-fiction. C'est pour ça qu'on perd un peu, oui, tout le monde là. Parce que le trou noir, tu vas l'acheter où? Chez Coral, Leclerc? Alors, pour revenir à ta question, la possibilité, la théorie, c'est que si une personne prend une petite fusée qu'il a achetée à Leclerc, un truc, mais assez rapide, genre qui va pas loin de la vitesse de la lumière. Alors là, tu fais de la publicité, il faut que tu en cites deux autres. Ouais. Cora Casino. Cora Casino, mais je vous garantis pas qu'ils en ont en stock. Hein. Parce que bon, c'est pas forcément réutilisable. Bon, Elon Musk est sur le coup avec SpaceX, mais bon. Donc, le gars, il prend sa petite fusée, là, il part dans l'espace, il va très vite, il fait un petit tour, là, à vitesse de quasiment de la lumière, il revient, il a mis sa montre, il a mis tant de temps, et quand il va revenir, en fait, il va regarder, il va dire, bah, tiens, moi, j'ai mon carnet de bord, j'ai fait, il est telle heure, tel jour, et il va arriver sur Terre, et il va demander... Ah ben non, nous on n'a pas la même heure, là, on n'a pas la même jour, parce que le temps ne se sera pas écoulé de la même vitesse, et en partant à la vitesse... Alors dans quel sens il se sera écoulé? Je ne vais pas dire de conneries. Ah, mais pourtant c'était ça qui m'intéressait. Ouais, je sais, mais... Celui qui est dans l'espace, le temps évolue moins vite que celui qui restait sur Terre. Je crois que c'est ça, oui. Mais donc, on parlait cinéma tout à l'heure, donc retour vers le futur, pour toi c'est impossible. Ah, d'un point de vue scientifique, ça l'est pas. Non, mais je suis maintenant, d'accord. Le voyage dans le temps. Dans le temps, oui. Au jour d'aujourd'hui, non. Dans le passé, c'est pas possible, ça je suis d'accord, hein, puisque ce qui est passé, voilà. C'est pas possible. Après, la fiction, si on se dit on va aller plus vite que la vitesse de la lumière, on pourrait imaginer, mais rappelons qu'on considère que c'est une vitesse maximum inatteignable, donc on peut pas aller plus vite, mm-hmm. Donc on peut pas voyager. Mais voilà, d'un point de vue scientifique, non. D'un point de vue fiction, il ne faut pas beaucoup modifier la réalité pour y arriver. Mm-hmm. On va se dire, on va plus vite. Si vous regardez un film de science-fiction où il y a des vaisseaux spatiaux qui vont plus vite que la lumière ou à la vitesse de la lumière, ils arrivent. Regardez ils sont Star arrivés Wars. Avant de partir. Putain, ils arrivent en même temps. Enfin, si on prend un Star Wars ou un Stargate, ils voyagent. Le temps, il est uniforme, même s'ils sont à vitesse de la lumière. Or, bah, la réalité, ce n'est pas du tout ça. Voilà. Après, quand on part du principe du trou de verre... Je fais des blancs en plus. Non, mais voilà, si on revient sur le trou de verre, c'est l'idée, c'est une idée, c'est pas une théorie scientifique, c'est une idée, mais qui n'est pas exclue. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Pour l'instant, ça n'existe pas. Selon lequel, pourquoi on peut aller d'un point pas, 1 dans un espace station temporelle à un autre point en passant par un raccourci. Et là, oui. C'est la porte ouverte à toutes les fictions possibles, notamment voyager dans le temps, parce qu'on peut considérer qu'on va aller dans un autre point de l'espace. Dans la théorie de la relativité, ce qui est bien, c'est qu'on considère non plus l'espace, mais l'espace temporel. C'est-à-dire que le temps fait partie, c'est une dimension comme une autre. Donc on peut facilement dériver dans de la fiction. Heureusement que j'ai précisé que je voulais qu'on passe sur une tranche plus terre-à-terre, parce que là... Ah, mais l'autre, il me dit un peu de fiction dans le terre-à-terre. Non, mais alors... Du vrai terre à terre. On parle de Star Wars. Ouais. Mais par exemple. Le sabre laser, ça n'existe pas non plus. Non. Mais l'être humain qui vivrait sur de multiples planètes, se déplaçant de planète en planète, qui quitterait la Terre pour vivre ailleurs, ça, c'est peut-être ce qu'on a de plus palpable dans le SF. Est-ce que ça, vous y croyez? Voilà. Ah, c'était le sujet de tout à l'heure, là, la vie ailleurs. Oui, la vie non, ailleurs. Non, la vie ailleurs, je ne te parle pas d'extraterrestres. Le déplacement des molécules. Colonies terrestres. La colonisation de l'espace. Non, moi, quand je parlais de vie ailleurs, moi, je ne parlais pas de vie existante. Je parlais d'endroits où la vie est possible. Donc, soit elle existe déjà, probablement, parce qu'il n'y a pas de raison que la vie ne soit pas développée s'il est possible. Soit tu crois la vie ailleurs, non? C'est ça? sur un autre système solaire, c'est pas dans l'univers. Moi, je reviens à ce que j'ai dit. Très probable. Je vous parle pas, on oublie les extraterrestres, je vous parle de la vie humaine. Dans de nombreux films de SF, on a aussi le mythe de l'espèce de grande arche spatiale avec le reste de l'humanité après un cataclysme infernal sur Terre. L'arche de Noé de l'espace. Ouais, c'est ça, l'arche de Noé de l'espace. Donc il y a un parallèle avec la culture. Avec la Bible. La Bible. Très judéo-chrétien. Mais ça, on retrouve ça dans plein de films de SF. Battlestar Galactica, c'est ça. Hein. Je pense à celui-là parce que... Parce que t'es un geek. Oui, c'est ça. D'une certaine manière, oui, quand même. Ouais. Est-ce que tu connais ? Ça y est. Là, comme ça, je suis sûr que je le connais, mais il faudrait que tu me plantes le décor et je m'y reverrai. Ah, t'es un geek. Il y a des robots, enfin des humanoïdes robots qui ont un peu décidé que l'homme avait été un peu plus à place. Confirmation que t'es qu'un geek. T'en doutais ? Non, pas du tout, c'est pas faux. Non, mais ouais. Non, mais, voyez, non, mais pas si on revient à quelque chose de plus terre à terre, comme voulait nous l'entendre Julien, parce que là on tourne autour du pot et on répond pas à sa question, de manière très précise, exemple les Chinois, parce que je me suis documenté beaucoup, puisqu'en ce moment c'est eux qui ont vraiment qui mettent de l'argent sur la table avec les Hindous pour aller dans l'espace, en tout cas niveau État. Et donc eux, bah, ils ont clairement l'intention d'aller faire une station de vie permanente sur la Lune. Alors, la technique qui est envisagée, ce serait la construction 3D pour établir, à travers des robots télécommandés à distance, les premiers bâtiments nécessaires pour accueillir l'être humain. C'est complètement dingue. Voilà. Et beaucoup plus simple que ça, ça ce serait pour les bâtiments de surface. Mais l'idée, ce serait de créer la base autour d'un cratère, un cratère ayant naturellement des fissures profondes, ce qui permettrait de fabriquer des bâtiments dans la croûte de la Lune sans creuser, et donc d'éviter les problèmes qui seraient liés à tout ce qui va être perturbation électromagnétique, tout ce qui va être champ solaire, tout ce qui va être donc tous les problèmes qu'on peut avoir en extérieur à rester exposé à l'espace dans un univers, enfin dans un endroit comme la Lune qui n'a pas d'atmosphère assez, enfin qui a une atmosphère mais elle est ténue, qui n'a pas une atmosphère assez solide pour permettre de protéger l'être humain des radiations. Donc est-ce que la Lune a une vie sismique, parce que si on se met dans les crevasses. D'accord. Donc il n'y a pas de vie sismique. Non, mais c'est pas risqué. Il y a une vie de météorite. Alors l'idée en fait, c'est d'en faire de l'industrie. Les Chinois, en même temps qu'ils ont ces plans-là, donc on parle de trucs pour 2025. Pour l'hélium 3, hein. Non, l'hélium 3. Non, mais on parle de plans pour 2025. Mmh. C'est pas très longtemps. C'est pour ça qu'on parlait de ça tout à l'heure. Ils ont quand même des plans de lanceurs. Je connais pas l'hélium 3, moi. Si, c'est dans 6 ans. C'est pour l'hélium 3 qu'ils veulent faire ça. Et on parle de plans de lanceurs capables d'envoyer. Qu'on trouve pas. Vous dites si vous vous ennuyez, on va boire un coup. On parle de plans de lanceurs capables d'envoyer 180 tonnes de fret en un seul lancement vers l'espace. Mais on passe à la formule au-dessus là quand même. Est-ce que la Lune peut supporter ce poids? C'est ça que je veux dire. Ça, c'est pas un problème. C'est un corps d'orbite. Voilà, ouais. C'est pas un souci. Non, mais l'idée, c'est ça. Ce serait vraiment d'avoir un avant-poste sur la Lune capable de faire de l'industrie. S'il peut faire plus et envoyer et faire des décollages dans l'espace et se servir. Si nous, êtres humains, on peut se servir de la Lune comme lanceur depuis l'espace, de manière à pas consommer toute notre énergie pour sortir de l'atmosphère terrestre à chaque fois. Donc envoyer par exemple des gens sur Mars depuis la Lune, ce sera encore plus bénéfique. Alors on va reprendre. Moi j'ai vu un projet super intéressant. On part de l'hypothèse construire quelque chose sur la Lune, c'est très coûteux. Maintenant, quand on a quelque chose de coûteux, on va se dire je vais essayer de réduire les dépenses. Ou de le rentabiliser. Quel est le poste le plus coûteux pour construire sur la Lune ? Acheminer les matériaux. Donc ils ont. Il y a des projets d'envoyer une sorte d'imprimante 3D genre modèle bâtiment et exploiter le sol, la matière qu'il y a sur la Lune, qui a priori ne se prêterait pas trop mal à construire des bâtiments pour se protéger, et après seulement on pourrait coloniser. Et quand on part de ce postulat, on se dit mais pourquoi ils veulent aller chercher l'exploitation minière? Du coup, c'est ramener des matériaux qui risquent d'être lourds. Donc, à part si c'est vraiment très rare. Je suis rassuré sur le fait que tu dises ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Non, mais ce que je vais dire, c'est qu'il y a un peu de mythe autour de tout ce que tu dis. Je pense qu'il y a une part de vrai, et il y a aussi une part de mythe. Il y a une vraie part de. Il y a une part de la plus grande, hein, le pays qui a la plus grande. Mais malgré tout, le fret dans l'espace, pour l'instant, c'est pas rentabilisable. C'est pas au point, c'est très cher. On parle de technique qui consiste à ne envoyer le moins de fret. Et après, on me dit, c'est pour pouvoir envoyer du fret. Oui, bon, bah, pourquoi pas, mais ça même, ça peut contradictoire. C'est-à-dire qu'on peut pas aller assez vite en envoyant tout le fret depuis la Terre pour permettre d'avoir un plan à courte durée vers la Lune. Par contre, en faisant l'intermédiaire, c'est-à-dire en augmentant la capacité d'emport et en utilisant les technologies 3D, là, on peut y arriver. Peu importe les technologies, finalement. Est-ce qu'on va pas pouvoir non plus délocaliser toute l'industrie mondiale sur la Lune si on a besoin, par exemple, d'exploiter du minerai là-bas? Des minerais polluants? Pas non, alors, dans l'autre sens. Non, c'est pour ça, j'ai revérifié. Alors, j'ai revérifié. Moi, j'aimerais bien revenir. J'ai revérifié mon histoire d'hélium 3. L'hélium 3, c'est un isotope de l'hélium qui est essentiel pour la fusion nucléaire. Pour la fusion, donc ITER, etc. Je pense que c'est bien ce que tu dis. C'est bien ce que je pense que tu dois te tromper. Ça doit être l'hydrogène 3, alors. Le non. Tritium. Ah non. Non, non, non. C'est l'hélium 3. Mais Wikipédia. Ce qui est génial, alors, c'est quand même que l'homme. Bah pourquoi polluer la Terre. Il n'y en a pas sur Terre, mais il y en a partout. On pollue la Terre et on va aller polluer d'autres planètes. Bah justement, donc il y a deux raisons à ça. Je finis avec l'hélium 3. Ouais. Je finis avec l'hélium 3, mais ça va dans la logique. Pas assez de merde chez nous, il faut qu'on en foute ailleurs. C'est clair. Ça va dans la logique du plan de conquête de l'espace de la Chine qui a prévu de faire des fusées nucléaires pour 2050. Et donc l'hélium 3, ce serait un des nouveaux composants utilisés pour faire de la propulsion nucléaire. Et ça, c'est objectif 2040-2050 pour le plan chinois. Donc ça va de pair. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'on a de plus en plus de mal à aller ouvrir des mines à ciel ouvert sur Terre, à trouver des endroits où il y a des matériaux intéressants. Et du coup, au lieu d'avoir de la pollution sur Terre, là où on vit, on se dit, bah tiens, pourquoi on n'irait pas faire le dawa sur la Lune ou sur Mars ou sur des astéroïdes? Il n'y a personne qui se plaindra. Mais surtout c'est que c'est fossile. Faux. Attends, il y a aussi le fait que c'est une denrée limitée. Exactement. Sur Terre, on a aussi l'esprit que ces minerais sont... je dis fossile, mais c'est non renouvelable. Ça veut dire que quand on a utilisé le minerai, il est utilisé. Le meilleur exemple, aujourd'hui, le lithium est une denrée qui est à 97% située en Chine. Pour les terres rares, les fameuses terres rares. Ouais. Oui. Et on en a besoin dans les technologies actuelles, c'est nos téléphones portables. Bon, c'est en train de se démonter, et d'ici 10 ans, c'est fini, puisque les dernières avancées technologiques font qu'on a réussi à faire des batteries qui dureraient 2 fois plus longtemps avec du sel. Des batteries sodium qui viendraient remplacer le lithium. La Chine le sait. Donc il faut bien prendre un coup d'avance, aller exploiter les technologies du demain avec les matériaux de demain, et ils sont plus sur Terre, ceux-là. Oui, parce que tu me parlais de fusée nucléaire. Oui. Ah, j'étais impressionné. Ils n'expliquent pas comment. D'accord. Ils disent ce sera une fusée nucléaire. Une nucléaire, c'est propre, hein, bien sûr. Ils n'ont pas expliqué si c'était de la fusion, si c'était. On ne sait pas. D'accord. C'est super. Hein, faut imaginer la bourrasque, la fumée qui sortirait de la fumée. Je rappelle que les plans dans les années 70 pour aller sur Mars en même temps qu'on a envoyé les sondes Voyager, c'était de faire des fusées qui voleraient en envoyant une bombe nucléaire de deutérium à l'arrière des fusées avec une immense parabole qui ferait que la poussée de cette bombe, quand elle aurait explosé, pousserait le vaisseau en avant. Et on enverrait un nombre calculé de bombes à un quota défini, un rythme défini de temps pour obtenir la poussée maximum et qu'en théorie on s'approchait de la vitesse de la lumière. Et c'est propre ça ? Non mais il n'y a rien de propre. On s'est posé la question dans les années 70 de savoir si une fois qu'on était sorti de l'atmosphère terrestre, clair, ce ne serait pas la meilleure technologie à employer. Ouais. On se l'est posé dans le tout nucléaire. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, on n'a pas hésité à faire plus d'une centaine d'essais nucléaires atmosphériques. Tout à fait. Ouais, tout à fait, on est bien d'accord. Mais encore aujourd'hui, moi je vois des articles sur les journaux où on installe une borne électrique, ouais, c'est de l'énergie propre, les choses comme ça, c'est nickel. Rappelez-moi, le parc électrique en France, c'est 80-90% nucléaire, c'est ça ? C'est propre, 75 ça officiellement. C'est plus 75, ouais, on est 80%. C'est propre le nucléaire ? C'est une énergie propre ? Qu'est-ce qu'on fait de nos déchets nucléaires ? Rappelez-moi ce qu'on en fait. Alors, c'est un autre débat. Non, mais... Alors, le nucléaire, enfin, une personne qui serait OK, qui serait partant pour le nucléaire, te dirait c'est un problème que nous arriverons à régler dans quelques années. Voilà, c'est le discours officiel. Ça, ouais. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas comment faire, mais on va inventer une machine qui les utilise. Ouais, hein. C'est ça. Normalement, ils disent ça, hein, le cycle. Ouais, le cycle. C'est ça. Ouais, c'est pas plus propre que le diesel, quoi. C'est pas spécialement plus propre, il me semble. C'est une discussion qu'on avait ce midi sur le nucléaire à sel liquide qui permet de réemployer les déchets des centrales classiques. Et on en revient aux Chinois. Technologie qui est en cours de développement, ouais, qui a été interrompue en France par les meilleurs ingénieurs nucléaires. La technologie nucléaire des années 60, de Levasseur et je ne sais plus comment, deux Français qui avaient mis ça au point, qui avait été une des technologies qui ont été mises en concurrence lors de la création des bombes nucléaires américaines et qui ont été mises de côté parce que le potentiel explosif n'était pas là. Ouais. Par contre, le potentiel énergétique était là. Super maîtrisable, mais super pratique. Étant donné que toute la filière allait s'organiser autour de l'uranium brut, bah on a continué là-dessus. D'accord. Ouais, le nucléaire, c'est un débat. sans fin. C'est des discussions qui peuvent aller histoire qu'on revienne sur l'espace. On va refaire un petit break, mais on va essayer de se motiver hors antenne pour rester sur l'espace, messieurs, parce que là on est plus sur l'espace du tout. Sur les fusées, et moi je vais vous laisser. Donc, tu peux en plus, tu vas nous laisser après cette pause. Ouais. Voilà. Bon, on dit au revoir. Une pause s'impose. La pause s'impose. On va laisser le temps au temps. Voilà, même s'il y a contraction sur Star Wars, du temps. C'est ça. Hein. C'était un peu le sujet. Alors, le morceau qui arrive, c'est Questions. Rappelons, monsieur F, que tu n'as plus d'excuses pour donner le numéro de téléphone de la radio. Oui, mais s'il y a des gens intéressés, ils peuvent nous appeler au 03 29 62 40 40. Joli, ça 03 c'est 29 62 40 40. Et tu vois où la petite lumière s'allume quand ça sonne, ça va, alors il est nickel. Où est cette petite lampe, je sais pas. Elle est juste en face de toi. C'est laquelle, c'est celle-là? Ouais, c'est d'accord, ça. D'accord, ok. Pour l'instant, la lumière reste désespérément éteinte. Et tu auras un auditeur, je crois, normalement, tout à l'heure. Alors, normalement, on devait avoir Nicolas Evrault aux alentours de 9h, 9h15. Il a eu des petits empêchements dans son planning. On va voir si on arrive à le choper vite fait avant la fin de l'émission. Dans tous les cas, on le retrouvera une prochaine fois, je n'en doute pas. Et au moins, il nous aidera peut-être, si on refait l'expérience de l'espace, à un peu mieux, comment dire... Régenter. Régent, tout de suite, certes. Il va falloir donner des papiers à Julien D. Non, des papiers. Par exemple, je peux vous dire de tête que l'espace n'est jamais vide. Mais c'est vrai que t'es... Non, on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, bonne soirée à vous. Bonne soirée, les signaux. À la prochaine. Merci. Donc, une petite pause s'impose. À tout à l'heure. Radiodiversité, la radio Azimutée, la radio des découvertes. Radio Guimauzo, en fait FM. La radio qui ne ressemble à aucune autre. On se retrouve pour peut-être la dernière séquence de la soirée, je pense. Il y a moyen. On va voir si on est très inspiré. Je vois que mes compères en face baillent. Moi, j'ai une info de première catégorie. Aïe, aïe, aïe. Je dois prévenir les auditeurs que je dénonce. Monsieur F n'a pas vu Stargate. Si, même si je t'ai dit. Tout ça, j'ai vu, mais je n'ai pas pris les musiques. Là, tu m'as reproché de ne pas avoir mis les musiques de tes films préférés. Je t'ai demandé si tu avais vu au moins. Tu m'as dit, oh, j'ai vu un nom dans ton regard qui te confirme un film. Hein. Alors, chers auditeurs, parce que hors antenne, il faut expliquer ce qui s'est passé. On a fait un pugilat, on a dénoncé Julien D d'être trop dans le côté subatomique de l'espace. Alors, pas assez dans la... Ou atomisé. Poésie. Ou atomisé, ou fragmenté. Moi, ma poésie dans l'espace, ça se limite aux films de science-fiction, donc c'est pas toujours très poétique. Hein. Non, mais Stargate n'a rien... Star Wars n'a rien de poétique, Stargate non plus. Si, Star Wars a un côté poétique. Poétique, épique. Ah oui, c'est épique. Épique, oui, mais pas poétique. Par contre, 2001, l'Odyssée de l'espace, si... C'est, même c'est pas de la poésie, c'est philosophique même. 2001. Ouais, c'est philosophique 2001. 2001, c'est plus un film d'auteur, je dirais. Donc il oui. y a pas le côté plusieurs niveaux de lecture que Star Wars a. Star Wars permet aussi de satisfaire tout un tas de clientèle, moi je dirais. Il y a de l'humour, il y a un peu tous les ingrédients qui font que on a un pot pourri bien garni et qui satisfait quasiment tout le monde. C'est une écriture très moderne, alors que 2001, c'est plus barré quand même. C'est quand même plus. Ouais, surtout le premier, oui, c'est très. C'est du Kubrick, c'est moins accessible, on va dire. C'est moins accessible. Et puis à la fin, le message n'est pas très clair. T'as dit un suicidaire, t'as envie de te suicider à la fin, c'est tellement waouh, quoi. C'est l'effet waouh de Kubrick. non, mais voilà, dans ce qui t'inspire en termes de cinéma SF qui parle d'espace. Tu nous as donné des exemples. Est-ce que PJ, toi, t'en as d'autres ? Bah, moi, je suis un grand fan de Dune, mais Dune a mal... Enfin, on a l'image... C'est pas... Enfin, c'est plus compliqué que ça. Là, quand tu m'en parles, ça me fait penser à Kubrick, tu vois. Le film est beaucoup moins accessible, tu vois ce que je veux dire ? Ah, puis alors, les livres, j'en parle même pas. Mais on a juste une description d'un univers qui pourrait être, grosso modo, un Sahara. Est-ce que tu peux nous refaire le synopsis ? Bah, je sais pas si c'est tellement intéressant dans le sens où quand on lit les livres, on se rend compte que c'est plus un livre de philosophie qu'un livre de science-fiction. Oui, c'est une histoire qui se passe dans une l'espace, autre planète. Mais c'est tout. C'est comme une scène de théâtre qui serait définie. On définit que c'est dans l'espace, pour autant, ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'espace. Donc l'espace, c'est un décor, simplement. On a des théories sur le temps. On a des théories sur le temps, le voyage dans le temps. C'est à peu près tout ce qu'on pourrait en garder. Après, pour le reste, c'est plutôt basé sur la biologie. Grosso modo, transposer un milieu saharien dans une autre planète et comment ça aurait pu évoluer si une planète complète était de type sableuse. Voilà. C'est vrai que c'est pas très espace. Quand on connaît le bouquin, c'est pas très espace. Quand on regarde des films de science-fiction, 2001, l'Odyssée de l'espace ne rentre pas là-dedans. Très vite, on a toujours un petit peu les mêmes choses. On va rapidement avoir des trous noirs, parce que le trou noir, à lui seul... C'est un fantasme. C'est un fantasme énorme. Finalement, le trou noir, quand on sait ce que c'est pas si impressionnant que ça. C'est impressionnant parce qu'on atteint des limites au-delà de la perception humaine, mais... Je crois que je suis en train de perdre PJ, mais complètement. PJ, mais il est au bout du rouleau. Le trou noir, il a eu une semaine compliquée. Les auditeurs ne le voient pas, je continue. Le trou noir est quelque chose de mythique. Non, à mon avis, mythique, ce qui rigole, c'est que tu dis que tu maîtrises le trou noir, alors qu'à mon avis, le trou noir, c'est un truc que personne n'a encore la maîtrise. J'ai dit que je maîtrisais le trou noir. Non, mais le trou noir, c'est le trou noir fait naître beaucoup de fantasmes et beaucoup de mythes. Mais les scientifiques, ils ont une... l'idée globale du trou noir qui est au moins autant connu que le quasar au moins que le quasar et sans doute que le pulsar. Ah, le quasar. Est-ce que tu sais ce que c'est un quasar? Non, un quasar. Un quasar, oui, excuse-moi, j'ai mon accent vosgien qui ressort. C'est un type de trou noir. Non. Alors je vais te dire un truc, je n'ai jamais compris ce que c'est. Il va y avoir une deuxième pause musicale. avant la fin. Non, mais. Non, ça impose quelques doubles lectures qui peuvent porter à préjudice. Ah, toi, t'es sur les doubles lectures. Ah, il est sur les doubles lectures. Aïe, aïe, aïe. Non, mais. Faut savoir pour nos auditeurs que PJ a un petit défaut. Hors antenne, il est terrible. Quand on dit quelque chose. Ah, même à l'antenne, là. Oh, mais là, même à l'antenne, mais c'est la première fois à l'antenne. Mais hors antenne, on a degré habitué, d'interprétation de l'humour potache. Ah ouais, c'est ça, voilà. L'humour potache, ça résume bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est, voilà. L'éternel étudiant. Je comprenais pas pourquoi il était comme ça, à moitié écroulé. On voyait pas trop si c'était de rire. Seul, ou de là, derrière peur. Le pupitre. Oui, mais Julien F arrive à garder son sérieux. J'ai monsieur D qui m'observe, alors je tiens mon flegme. Bon. Donc la maîtrise du trou noir, tu en étais. Je ne maîtrise pas le trou noir. Alors, est-ce qu'on parle du trou noir ou pas? Parce que c'est tout de suite, on va rentrer dans des trucs un peu subatomiques, intéressants. Bon, bah, je crois que j'ai perdu tout le monde, le trou noir. C'est un astre qui a une gravité telle qui, d'un point de vue conceptuel, fait que même la lumière n'arrive pas à en sortir. Voilà, c'est conceptuel. En pratique, c'est un peu plus complexe et on va pas rentrer dans des choses trop complexes. Internet sera plus précis que moi, mais parce que la lumière n'a pas de masse, donc voilà, ah non, c'est... tu repars dans le côté subatomique là. Ah ouais, mais j'ai demandé, et comme j'ai vu que j'avais perdu tout le monde, j'ai dit bah j'y vais, il faut mouver de la tête. Hein. Restons sur le côté SF. Restons sur le côté. Ouais, alors le trou noir dans le SF, souvent. C'est un moyen de voyager d'un univers à un autre. Il y a beaucoup de SF qui utilisent le trou noir comme ça serait une porte. On rentre et on ressortirait dans un autre univers. Alors forcément, on ne connaît pas d'autres univers. Donc après, l'auteur SF, il va créer un autre univers. Donc on a un peu tout, des univers de type enfer, des univers de type plus paradisiaque ou d'autres univers identiques aux nôtres ou voyager dans le temps. Voilà, scientifiquement tout ça évidemment n'existe pas. Le trou noir c'est jamais qu'un astre de forte gravité et on tombe dessus, on n'en ressort pas, presta, voilà. Voilà. Je peux parler de Hawking? Oui, vas-y. Théorie de Hawking, ça va donner. Hawking a une théorie du trou noir comme quoi les trous noirs s'évaporent. Donc c'est une certitude aujourd'hui, les trous noirs effectivement s'évaporent. Mais tu repars sur la théorie. Moi ce que je voudrais c'est qu'on reste quand même sur le côté SF. Alors Hawking est SF, non Hawking SM, il est très terre à terre hein, lui. Ah oui, enfin il est très espace à espace on va dire. Hein. Il n'y a pas de... Ma connaissance, Hawking n'était pas un très grand philosophe. Si on parle de Asimov, il faisait à la fois de la science très précise et à la fois de la fiction. Ah, notamment son œuvre. Mais Asimov était un passionné d'astronomie. Il a traité tout ce qui est fondation. Tout ce qui est fondation, les bouquins de fondation d'Asimov, c'est la vie dans des bases spatiales qui seraient en orbite autour de planètes étrangères, ce serait l'exploitation minière des ressources, ce serait le voyage entre les différentes colonies, comment on pourrait faire, ce serait la hiérarchie entre les gens, tout simplement, dans des bases spatiales et puis des milieux qui sont très fermés, ce serait toutes les conséquences qu'on pourrait avoir sur la reproduction de l'être humain dans l'espace, l'usage des robots pour faire toutes les tâches qu'on appelle ça répétitives au quotidien et donc la mise en avant du robot et de l'être mécanique qui viendrait prendre le dessus sur l'être humain. Donc Asimov a vraiment écrit énormément de choses, c'est pas tout jeune Asimov, de manière très précurseur d'ailleurs, et beaucoup de films de science-fiction s'en sont inspirés. Il y a beaucoup de films SF qui partent vers l'espace suite à la fin du monde. Ah, la théorie comme quoi il faudrait qu'on évacue. Le côté Arche de Noé. Ouais, on en a parlé. Ouais. Ni plus ni moins. On n'aurait plus qu'une chance, la Terre c'est fini, et on va s'occuper de notre planète. Alors, on a encore 9 minutes à tenir. On n'a pas notre invité finalement. Mais notre invité. C'est dégonflé, on a eu un invité surprise, mais on n'a pas eu notre invité star, hein, notre VIP de l'espace. Hein. Alors, le VIP n'est pas venu, mais. Est-ce que tu peux l'appeler? Mais d'ailleurs, on avait Gaël aussi à faire venir, normalement. Je sais pas, est-ce que tu lui as rappelé? J'ai oublié de le rappeler. Ah. Je crois qu'il s'est engouffré dans la brèche. Et... Dans le trou noir. Non, c'est bon, oh non. Finalement, cette émission n'est qu'un vaste trou noir. Je crois qu'on a mérité une dernière pause, parce que sinon on n'arrivera pas. Là, c'est pas possible. Qu'on fasse à nos auditeurs une belle conclusion. Je pense que le mieux, c'est qu'on remette un tout petit morceau entre deux. Et on se retrouve juste après. Tiens, par exemple, j'ai un tout petit morceau de 2 minutes. 2 minutes de 8. Qui s'appelle comment? Je n'ai pas le titre, mais le... le titre, mais je n'ai pas l'artiste. Alors, on va savoir pourquoi. C'est After Tous. Sinon, voilà. Pour ceux qui veulent intervenir, c'est 03... 29 62 40 40. On se retrouve juste après ça. walking into the other side. Footsteps on the pavement, remembering who once walked here. Catching light bulbs between the fingers of your hand. Thinking that the one who did this will never understand. City veins. I think of all the people who can never return to the face of day. Crumbling thoughts inside the head, when roads are many and feet are few. Build your house on my back, and I will carry your pride. Le débat d'Io. Nous revoici après 10 minutes de fou rire maintenant. Une bonne nouvelle, PJ retrouve ses esprits doucement et atterrit délicatement sur le sol terrestre de la radio. Mais il nous a rappelé qu'il fallait qu'on parle de la politique spatiale, c'est vrai. Voilà. La politique spatiale, c'est vrai que c'est un sujet majeur, on a abordé ça brièvement, mais c'est vrai que souvent on revenait à une conclusion assez... Enfin, à des propos assez cohérents sur la Chine. C'est vrai que la Chine est en train de devenir un acteur majeur de la conquête spatiale. Alors, est-ce que c'est parce que c'est peut-être le dernier qui a les moyens de mettre l'argent sur la table aussi? Ça joue, puis ils ont les moyens. Moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est qu'ils se donnent les moyens parce qu'ils arrivent après tout le monde dans le grand bal des nations et qu'ils veulent récupérer une vraie place. Et en voulant récupérer une place, ils se disent si on ne fait pas les choses sérieusement et que l'on ne se fait pas prendre au sérieux pour passer du statut de pays usine au statut de pays qui doit avoir sa place parmi les grands, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le nucléaire pour les centrales et il nous manque de l'autre côté la conquête de l'espace pour dire bonjour, on est là et on compte. Donc à partir de ce moment-là, ils se donnent les moyens d'y arriver et puis ils se font surtout des plans à très long terme, des plans à 10, 15, 20, 30 ans. Ce qui nous manque dans la dynamique. Parce que nous, on n'a pas de plan. De politique qui réagisse à plus que 5 ans. C'est ça. On n'en a plus. Les Américains en avaient avec la conquête de l'espace. Les Américains, ils ont un peu de problème d'argent. Ils ont La NASA, Donc la NASA a ses budgets qui sont un peu coupés parce que le gouvernement américain, à la base, a moins d'argent. Donc la NASA a moins d'argent. Donc voilà. C'est plus une priorité non plus. L'URSS n'existe pas. La Russie, quasiment autant de moyens. La Russie, c'est 90% de l'ancienne URSS. Mais elle a des petits problèmes internes qui font que l'argent, ils en ont, mais elle n'est pas forcément bien utilisée, bien gérée. Donc, ils n'en ont pas forcément beaucoup pour la conquête spatiale. Il y a des usines, des anciens sites spatiaux qui sont complètement abandonnés avec... je sens qu'il faudra bientôt aider Julien. Il y a des anciens sites avec les restes de tous ces équipements spatiaux. Il y a des navettes qui sont à l'abandon. C'est d'ailleurs une source de... Alors, ça s'appelle comment les sœurs russes, les copies russes des navettes spatiales américaines qui ont été laissés à l'abandon, puisqu'ils avaient leur propre navette qui était capable de rentrer-sortir et qu'ils ont laissé complètement pourrir. Je te laisse, je t'ai vais à la rescousse de l'autre, Julien. Eh ben voilà, il va falloir que je tienne l'antenne pendant qu'ils sont en train de, je crois, de contacter notre invité, histoire que l'on ait quand même, chose première, chose due, ce contact avec quelqu'un de valeur qui voulait nous parler de l'espace. Ah, voilà. PJ essaye de meubler. Ah j'ai fini un peu mon discours. pour l'instant, c'est un échec. Je bon, vous avoue bah voilà. que pour l'instant, c'est un échec. Je n'arrive plus à le joindre. Il était en ligne il y a quelques instants. La qualité de la ligne n'était pas merveilleuse. Donc, on a essayé de repasser un appel. On va réessayer. Mais... moi j'aime bien, c'est vrai qu'on aurait dû passer plus de temps sur cet aspect politique parce que c'est le plus intéressant, c'est majeur, c'est clair, c'est majeur, c'est clair. Dans le monde dans lequel on vit, ça permet aussi d'expliquer pas mal de choses de, en termes de relations entre les pays actuels. C'est vrai que la Chine prend un positionnement, voilà, je crois qu'on l'a perdu, on n'arrive plus du tout à joindre notre ami, donc moi, j'en ça sera pour une prochaine. C'est moi, il y a un téléphone qui sonne ici. Qu'est-ce que t'as dit? Il me semblait entendre un téléphone sonner, c'est pour ça. Non on a... Mais non, bah oui, mais là c'est vrai que là-dessus on a un peu loupé. Si, c'est ça, va. Ah bah voilà, j'ai bien entendu. Ah si, ça y est. Alors on va essayer de répondre directement là. Il est directement avec nous en théorie. Allô. Ah, tu nous entends? Ouais, je vous entends. Ah là, c'est génial, t'es en direct sur Radio Gamezo. La grande glace. Ah, on a galéré, mais on a réussi. On a réussi à t'avoir. Comment vas-tu, Nicolas? Cool. Ça va et toi? Ben ça va pas mal. Donc tu es avec PJ et Julien dans le studio de Radio Gamezo. Deux minutes. En Mondovision. Voilà. Donc t'as écouté un peu ce qu'on a raconté. On a dû dire beaucoup de bêtises. Ouais, surtout PJ avec les trous noirs. Alors, eh oui, désolé là sur ce coup-là. Le fou rire a été le plus grand pour Julien aussi. Je pense que. Ouais. Bon, parce que t'es quand même plutôt calé sur tout ça, toi. Calé, oui, j'aime bien regarder ce qui se passe en haut, quoi. Ouais, ouais. C'est plutôt sympa, et puis c'est plutôt joli, quoi. Et puis quand on regarde ce qui se passe en haut, on a l'impression d'être tout petit, et je pense que c'est ce qu'on est, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était le début, c'est la fascination de l'homme pour l'espace. C'est vrai que c'est quelque chose qui anime beaucoup de monde. Et, parce que toi, tu avais l'intention de faire une émission, c'est ça? Tu avais en projet de faire une émission sur l'espace? C'est ça, ouais, sur plus l'observation des étoiles et ce qu'on peut voir dans le ciel, un peu équipé, etc. Parce que on lève les yeux, on voit plein de choses, mais c'est plutôt cool de comprendre ce qu'on voit et ce que ça représente. Donc en gros, ouais, ce serait plutôt sur tout ça. Moins poussé sur l'espace en lui-même, mais vraiment ce qu'on voit et ce qu'on peut voir. Ok, mais tu sauras que tu auras déjà au moins 3 auditeurs. On t'écoutera avec le plus grand plaisir. On avait quand même noté 2-3 questions. Est-ce qu'on a souvenir de ce qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on lui demande? Ah, ils me font signe. Oui, c'est vrai qu'on n'a plus trop le temps. Mais vous pourriez lui dire bonjour au moins. Bonjour, Nicolas. Nicolas, bonjour. Bon, je ne vais pas interrompre cette conversation. Non, mais voilà, on espère pouvoir t'avoir autour de la table la prochaine fois qu'on traitera d'un sujet en rapport avec l'espace, en tout cas. Et, ou pas forcément. Et en tout cas. Pour m'excuser, je viens de présent à la prochaine. Alors. La prochaine, normalement, c'est sur les arts occultes. Donc, si tu veux, tu pourras venir sur... Alors, c'était quoi le sujet qui nous restait? Le satanisme. Voilà. Ah, satanisme. D'accord. Ah, ça va être léger. Ça va être facile, ça. Voilà. Bon, on n'a pas toujours des... Ils n'ont pas toujours des idées très, très faciles à gérer en termes de débat. Ah, moi, c'est compliqué. Je donne pas mon avis. De toute façon, ils ne m'écouteront pas. Donc. Ah, si, on va t'écouter avec grand plaisir. Il est 21h01 et 19 secondes. Ouais, mais dans quel fuseau horaire? Dans le fuseau horaire où on est. 22h. Ouais. Dans le fuseau horaire anglais, ça. On va tous se dire bonne nuit, on va quitter Nicolas, on va lui dire à la prochaine, on dit à la prochaine à nos auditeurs. À bientôt. Et on vous souhaite de bonnes semaines, on se retrouve dans 4 semaines sur Radio Gamezo. Alors le la jeudi. Semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a nos amis de Memento Mori. Non, c'est dans 2 semaines. Ah, c'est dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est Phil. C'est Phil. Et Sophie. Non, Phil avec Marcus, je crois. Qui nous raconte l'histoire du rock. Ouais. Ok. Bon. Crois, dans 2 semaines, Montgomery. Dans 3 semaines, à nouveau Phil. Dans 4 semaines, nous. Dans 1 heure, Rock à la Casbah, je crois. Ouais, c'est ça. Et tout de suite, est-ce qu'il y a un peu de musique? Tout de suite, il y a de la musique. Il y a la programmation habituelle. Il n'y a pas un petit truc made in Julien? Ah non, parce que là, on est un peu tous crevés. Il n'y a pas un truc made in Elliot? Non, on n'a pas pris le temps avec Elliot de vous préparer une petite playlist, mais on se retrouve la prochaine. On vous laisse tous, parce que j'entends Nicolas qui baille derrière son téléphone. Allez, à la prochaine à tous. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir.